Salut à vous qui passez à l'émission Bas les masques parce que vous vivez des aventures dans votre tête. Aujourd'hui, un nouveau podcast Outsider Game Design, jeu de rôle, avec un sujet brûlant, attention. Le sujet, c'est comment critiquer les réflexions sur le jeu de rôle. Alors, ça fait suite à deux choses. Ça fait suite à mon podcast Métathéorie. Et puis aussi, entre guillemets, un sujet sur Google+, qui a été ouvert par Gerhard Sildenafein, où on va dire, il émet certains regrets quant à la production théorique actuelle. Alors, il précise au cours du sujet qui il s'adresse, le panel de théoriciens auquel il s'adresse, c'est. Les auteurs des ateliers imaginaires, on va dire, et puis les gens qui sont dans ces contacts, dans ces cercles sur Google+. Je vous laisserai vérifier hein, qui est dans ces cercles. Donc il émet différentes critiques, notamment le fait que on citerait, enfin, dans les articles de théorie qu'il voit, les articles, alors. Je suis même pas sûr qu'il parle d'articles, en fait, je sais même pas de quel support il parle. Ça peut être des podcasts, des articles, ça peut être pas mal de choses. Et du coup, ce qu'il reproche, il y a plusieurs choses, hein, le manque de citation des sources, on va retrouver des critiques qui sont aussi faites par Valentin T. Donc ensuite, la citation de source, il y a la réflexion en vase clos, c'est-à-dire que eh ben, il pourrait y avoir des articles qui citent des sources mais qui sont en fait des auto-citations où on cite les copains, c'est-à-dire qu'en fait on serait comment il y aurait des théoriciens, des articles dont en fait la théorie se baserait seulement sur un, deux, voire trois grand maximum théoriciens différents. Alors là j'extrapole, hein. J'extrapole à partir de petites phrases de Gerhardt. Hein. Donc déjà je suis en train d'essayer de détricoter sa pensée, quoi. On a essayé de le faire sur Google+, mais c'est vraiment très compliqué hein, de le faire dans une discussion Google+. En fait la vérité c'est qu'il me faudrait quasiment Gerhardt en oral, tu vois, ou alors il faudrait que je prenne un par un chacune de ces phrases pour les détricoter, quoi. Donc ensuite l'idée donc il y avait ça, donc le fait du coup de fonctionner en vase clos et qu'il y avait le fait aussi, on va dire du coup, de sortir des théories de son chapeau, c'est-à-dire bah, vous allez énoncer une vérité sur le jeu de rôle, n'importe laquelle, hein. Alors j'ai même pas d'exemple en tête, parce qu'il n'en donne pas, c'est compliqué sans exemple. Allez, on va imaginer quoi. Qu'est-ce que je pourrais sortir comme théorie sur le jeu de rôle de mon chapeau? Je dis n'importe quoi, hein, c'est pas ça qu'il dit, mais dans le jeu de rôle, il y a toujours le jeu de rôle sans MJ ne peut pas fonctionner. Voilà. Théorie sortie d'un chapeau. Je veux dire, on peut en débattre, hein. On peut en débattre sur le fait que le jeu de rôle sur MJ est absolument non fonctionnel. Hein. Il y a des arguments, hein. Par exemple le fait que dans la plupart des jeux sur MJ, il y a un rôle central du facilitateur et qu'en fait on a quelque part un MJ qui ne dit pas son nom, quoi. Mais si tu te contentes de dire bim, le jeu de rôle sur MJ ça peut pas fonctionner, effectivement tu sors une théorie de ton chapeau, quoi. C'est pas étayé en fait, c'est pas argumenté. Donc il faut citer des exemples. Je pense qu'aussi il y a dans les critiques qu'il y avait, c'était de parler de cas particuliers, quoi. Finalement, d'avoir un panel d'études qui va être réduite soit à sa propre expérience rôliste. Et du coup, on aurait la possibilité de tirer des généralités et des théories qui seraient en fait ce que les gens sortiraient des théories qui en fait sont des cas particuliers. Et du coup, on peut pas en tirer des généralités, quoi. Autre critique qu'on avait, c'était carrément. Des théories qui ne disent rien, en quelque sorte, c'est-à-dire que qui vont se contenter de paraphraser des théories précédentes, éventuellement se les réappropriant, mais sans citer ses sources. Hein. Je dis n'importe quoi, mettons, bon, Romaric, il a sorti le Maelstrom, hein, comme quoi le jeu de rôle, on va dire pour faire simple, le Maelstrom, c'est que le jeu de rôle, c'est plusieurs imaginaires intimes qui essayent de se coordonner par la conversation. Je pourrais sortir la théorie, je sais pas, du tourbillon et dire oui, dans ma théorie du tourbillon, j'ai découvert que le jeu de rôle, c'est un ensemble d'imaginaires intimes qui essaye de se coordonner, quoi. Bon, là, je suis en train de piquer la théorie du Maelstrom, mais sans citer Romaric Brillant, quoi. Alors, peut-être que j'ai inventé mon tourbillon sans avoir lu le Maelstrom. Bon, dans ces cas-là, je suis excusable de ma coïncidence. Après, est-ce que je suis excusable de mon inculture? Ça, c'est une autre question. Ou alors, bon, tu vas faire des podcasts, tu vas expliquer les théories des autres, certes en les citant, mais toi-même, tu vas rien apporter de nouveau, quoi. Et du coup, il y a carrément l'argument d'ego où, en fait, certaines personnes feraient de la théorie uniquement parce qu'elles n'ont rien de mieux à dire, quoi. Et donc, entre guillemets, pour avoir du temps d'antenne sur des podcasts, sur des blogs ou sur des magazines, les personnes sortiraient des théories de leur chapeau, qui n'auraient aucun fondement. Juste, l'important, c'est d'occuper l'espace médiatique. Hein. Voilà, l'espace rôlistico-médiatique, et donc pouvoir rouler en limousine, avoir des femmes et des hommes faciles, et de la coque à prix réduit. Alors, on a discuté sur le forum, machin. Moi, j'ai même, je le dis comme je le sens. Tac, tac. Je le dis comme le sens. Je me suis senti visé dans certaines de ces attaques. Donc, on a un petit peu déplié le truc sur le sujet. Il s'est avéré quoi? Eh ben, il s'est avéré tout simplement que on était. Alors c'est pareil, le sujet n'est pas clos. Hein. C'est vrai que c'est un peu. Je fais un peu un podcast à chaud là. Alors que le sujet n'est pas clos sur Google Plus. Pourquoi? Parce que voilà, je me suis retrouvé. C'est vrai que j'ai eu une réaction un peu épidermique quand j'ai lu le sujet. J'en ai fait part d'ailleurs dans le sujet. J'en ai aussi discuté avec Gerhardt en privé, quoi. Mais bon, faut pas que la discussion privée mange ce qui est vraiment important à dire dans la discussion publique. Je pense que Gerhardt, en fait, il voulait pointer certaines choses qu'il considère comme des manquements ou en tout cas comme des divergences par rapport à lui, ce qu'il aimerait voir dans des articles théoriques, c'est-à-dire des articles qui auraient une approche scientifique, alors d'après sa vision de la science. Hein, parce que c'est pareil, on peut, enfin, c'est assez long de débattre sur qu'est-ce que c'est l'approche scientifique. À la rigueur, moi je renvoie sur lisez l'intervention de Valentin T, justement sur ce poste. Moi c'est la personne qui m'a paru le plus claire sur qu'est-ce que l'approche scientifique de toutes les interventions que j'ai lues sur le poste. En fait, grosso modo, je pense que il finit par nous expliquer, Gerhardt, que lui, pour les futurs articles théoriques qu'il voudrait sortir, il voudrait avoir une certaine rigueur scientifique. Et en même temps, il en profite pour dire que finalement, dans les articles, dans les choses qu'il lit ou qu'il écoute, il observe des divergences par rapport à lui, son propre désir de rigueur scientifique. Du coup, il en profite, bon, on peut le dire, pour passer un petit coup de gueule, quoi. Mais honnêtement, l'idée, c'est que, voilà, on va dégrossir ça. Pour dire, je pense qu'il veut formuler, et il me l'a dit en privé, il faudra je lui ai demandé de le redire en public, il n'est pas à formuler des exigences, il est à formuler des demandes, quoi. Et on en vient justement à un point crucial de l'approche scientifique, en théorie rôliste, ou l'approche scientifique en général, notamment telle qu'a défini Valentin Touzeau. On peut qualifier un article de scientifique, déjà il faut à plusieurs conditions. Déjà, il faut que tu cites tes sources, et puis aussi il faut que ça soit critiqué par tes pairs. Alors, d'après Valentin, c'est même carrément critiqué avant publication, c'est-à-dire que l'article il est mis sur un serveur, quoi, ou envoyé à des relecteurs, quoi, qui font des retours critiques. Et ensuite, tu corriges ton article en fonction de ces retours critiques, et seulement après, tu peux publier, quoi. Bon, je pense qu'on peut. Alors, ça, c'est la vision de Valentin. À la limite, il est temps que je passe à vraiment le cœur de ce sujet. C'est ma vision, c'est comment. Je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait une approche critique de la théorie, c'est-à-dire qu'on critique les articles de théorie. On peut le faire comme préconise Valentin avant publication de l'article. Enfin, au moment de la pré-publication, c'est-à-dire que finalement l'article est quand même déjà pré-publié, mais dans un espace, on va dire, restreint. Et ensuite, une fois qu'il est critiqué par les pairs, il est republié de façon la version corrigée est republiée dans une version publique. Il y a une autre approche, moi, qui me semble défendue par Valentin, même si je lui demandais de vraiment repréciser ça, c'est dans les discussions qu'ils ont pour créer l'après-atelier imaginaire. Il y a l'idée de s'inspirer du Wikipédia. C'est-à-dire qu'on concevrait un article de théorie comme un article de Wikipédia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des. Parce que ça veut dire déjà qu'on abandonne finalement l'idée de. Alors bon, là c'est pareil, je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles Valentin, il va sûrement se démarquer du Wikipédia. En plus, de toute façon, il n'a pas bossé tout seul. Si cette communauté, elle se fait, c'est justement une communauté. Donc le fonctionnement, il va être établi à plusieurs, quoi. Par une communauté, justement. Ce sera un truc un peu open source, quoi. Voilà la chose comment je l'imagine, hein. Donc presque je me projette dans le cerveau de Valentin, mais on va dire, bon, si moi je mettais en place, mettons que, si moi je créais un wiki pour faire de la théorie, voilà comment il fonctionnerait, entre guillemets, quoi. C'est que, s'inspirant du Wikipédia, mettons tout simplement, on utiliserait tout simplement les mêmes fonctionnalités informatiques. Et donc ça veut dire que quand quelqu'un crée un article, en quelque sorte, il serait anonyme. Alors là, on parle d'ego. Du coup, est-ce que la théorie doit être anonyme? Je sais pas. Bon, je pense peut-être qu'on rajouterait la possibilité de signer l'article. Alors, ceci dit, les articles sur Wikipédia sont pas anonymes, puisqu'on peut en fait retrouver les contributeurs. Mais c'est vrai que quand tu vas sur l'article, que tu lis la présentation, honnêtement, tu vois, comment dire, tu vois pas le nom des contributeurs, contributrices. Il faut aller dans l'onglet discussion pour voir que, en fait, les personnes qui ont contribué à l'article, c'est machin, machin, machin. Et encore, comme ça, je pense que c'est difficile de savoir quelle est l'importance des contributions de chacun. Enfin, remarque, il y a peut-être. Je me demande s'il n'y a pas accès sur Wikipédia. Je vais aller sur Wikipédia, article jeu de rôle, par exemple. Et je me demande s'il n'y a pas accès. Alors, Wikipédia, on va aller direct dessus. Hop, article sur le jeu de rôle sur Wikipédia. Là, pour le coup, c'est de la théorie rôliste. Hein. On est carrément dans le truc. C'est de la théorie rôliste qui est sur Wikipédia. Bon, eh bien, on va regarder les commentaires déjà qui peuvent être faits. Alors, il n'y a pas grand-chose. Tiens, pour le coup, c'est assez. Bon, notes et références. Bon, déjà, tac. On a une liste de références. Il y a 16 références bibliographiques. Hop. Alors là, pour le coup, je suis dans le jeu de rôle global. Hein. C'est-à-dire que ça va du grandeur nature au théâtre d'impro, au jeu de rôle des animaux. Jeu de rôle thérapeutique, le jeu de rôle serious game, le jeu de rôle enfantin, ainsi de suite. Enfin bon, il y a les MMO, enfin il y a toutes les formes de rôle hein, pour le coup. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Bon bah, qu'est-ce qu'on a? On a un commentaire. Cette section a besoin d'être recyclée. Affiché, je peux afficher le commentaire. Une réorganisation et une clarification du contenu sont nécessaires. Voilà, bon bah là. Ça veut dire que il y a un contributeur qui pense que les paragraphes ils sont pas dans le bon ordre, que la façon dont les informations, c'est pas qu'ils contredisent les informations, c'est qu'il dit que la façon, dans l'ordre dans lequel elles sont présentées, ça c'est un peu le bordel, voilà, pour le dire poliment quoi. Après, je vais aller sur jeu de rôle sur table, tiens, on va voir s'il y a des commentaires, articles détaillés. Hop. Ah, l'article est assez copieux, quoi. Il est très copieux et il n'y a pas beaucoup de critiques. Ah ben. Eh ben c'est super, c'est le monde des bisounours. Ah si si ça y est. Hop, jeu sur internet. Cet article ou cette section peut contenir un travail inédit ou des déclarations non vérifiées. Ok. Donc ouais, parce que c'est vrai que par exemple sur le jeu de rôle sur internet, il n'y a pas trop de références, il n'y a pas d'auteur. Bon, je sais pas trop ce qu'il leur reproche, mais bon bref. De mémoire, hein, ce que les commentaires que je vois sur Wikipédia, souvent, c'est où on demande de reformuler. Ou alors on te dit qu'il y a un problème de neutralité. Par exemple, je dis n'importe quoi, je dois écrire un article sur le jeu de rôle, puis je vais dire Fiasco n'est pas un jeu de rôle parce que c'est nul. Bon, bah là, il y a clairement un problème de neutralité, j'espère que nous sommes d'accord, quoi. Si tu dis Fiasco n'est pas un jeu de rôle parce que il n'y a pas de maître de jeu, c'est déjà plus neutre. Hein. C'est que finalement tu opposes une pratique à une définition, quoi. Mais après, du coup, on pourrait te le mettre dans les dents si au début de ta définition de jeu de rôle, t'avais dit bah, en fait dans le jeu de rôle on peut se passer de maître de jeu, tu vois. Et après tu dis Fiasco c'est pas un jeu de rôle. Problème de cohérence quoi. Donc on peut pointer des problèmes de cohérence. On peut pointer quoi voilà, certes, je rappelle, cet article ne cite pas suffisamment ses sources, ainsi de suite. Et en fait, n'importe qui peut aussi carrément rajouter des paragraphes, changer le texte. Hein. Des fois, il y a des articles, il y a une véritable guerre. Hein. Et puis, on peut avoir des discussions en coulisses en disant. Bah écoute, t'as écrit ça, je suis pas d'accord parce que ceci, cela, machin, je voudrais que tu cites telle source, machin. Je vous donne un exemple pour Wikipédia, l'article sur la guerre en Irak. La page de discussion sur cet article, si on l'imprimait dans des bouquins, serait la taille d'une encyclopédie. Donc en fait, on a une sorte de. Pour le coup, on appelle ça de l'historiographie, quoi, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. L'historiographie, c'est l'étude du procédé, comment l'étude du procédé historique, comment les historiens en fait construisent l'histoire, construisent le fait historique. Et donc pour le coup, cet article, l'article de la discussion autour de l'article sur la guerre en Irak, c'est un document historiographique de Wikipédia, c'est un document historiographique majeur, quoi. Parce que pour le coup, on voit vraiment l'histoire en train de se faire avec tout un tas de commentaires hein, qui sont des fois très argumentés d'un point de vue géopolitique, tout ce que tu veux, et qui des fois sont du pur, ce qu'on appelle du troll. Hein. Par exemple, il y a un commentaire là-dedans qui s'appelle All your oil are belong to us. Ça veut dire comment tout votre pétrole appartient de nous. Il y a une erreur, mais en fait c'est tiré d'un jeu vidéo un jeu vidéo japonais. C'est tiré de la phrase All your bases are belong to us. Toutes vos bases appartiennent de nous, un truc comme ça. Et en fait, c'est le fait que c'est du mauvais anglais, parce que c'était un jeu japonais en fait. Et du coup, c'est devenu une petite phrase un peu mémétique qui circulait sur les internets. Alors, où est-ce que je veux en dire hein, en faisant un petit rapport avec Wikipédia, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on critique les articles de théorie. Et j'en vois bien des vertus en fait, puisque tout simplement, enfin, honnêtement, les personnes, si tu veux, la plupart des personnes qui vont élaborer des théories, je pense qu'elles ont envie d'en discuter derrière, quoi. Je crois pas qu'elles s'ennuient à faire des articles pour que derrière personne ne réagisse ou que tout le monde dise ah bah c'est super, t'as trouvé le Graal holistique, on n'a rien à rajouter. L'idée, c'est d'ouvrir un débat, je pense. Et puis même, à la rigueur, de toute façon, j'ai presque envie de dire, on peut aussi partir d'un autre principe, qui est que, quel que soit ce que le théoricien ait en tête, du moment qu'il a publié son article, quelque part, il donne le droit de le critiquer, quoi. Enfin, je veux dire, c'est public, et du moment que c'est chose publique, c'est critiquable. Alors on a le problème de déontologie qui se pose en fait, c'est que derrière les articles, il y a des personnes. Et que si vous critiquez un article, si vous critiquez une théorie, surtout si vous le faites du coup avec un manque de déontologie, avec un manque entre guillemets, parce qu'il y a l'art et la manière, quoi, hein, la personne peut se sentir blessée, quoi. Alors, je vais bah, même pour tout vous le dire, ça m'est arrivé de critiquer des réflexions sur le jeu de rôle et de me rendre compte que derrière la personne dont j'avais critiqué les propos, eh bien, s'est sentie blessée d'une façon ou d'une autre, quoi. Ou pas d'ailleurs, ça se trouve. Peut-être même que la personne m'a répondu en fait entre guillemets en contre-argumentant et que moi derrière c'est moi qui ai cru que je l'avais blessé. Hein. Bon, des fois les personnes le disent clairement, hein, se disent pas qu'elles disent pas forcément qu'elles sont blessées, mais elles vont te dire que ça les met en difficulté parce que déjà elles ont affronté d'autres critiques et que du coup que toi t'en rajoutes, peut-être parce qu'en plus elles se sentent proches de toi, ben ça les navre d'une certaine façon, elles se sentent voilà. Ça les met en colère, ça rajoute du peut-être disons que ça leur rajoute du stress supplémentaire parce qu'elles ont à se défendre contre certaines critiques et puis toi tu viens en apporter d'autres de ton côté quoi. Donc il y a une sorte de ouais, elles sentent une pression sur leurs épaules quoi. À ceci je réponds pour le coup oui il faut critiquer. Mais à la manière en fait. C'est-à-dire que j'ai presque envie de dire, je vais essayer de formuler une déontologie de la critique, et j'ai presque envie de dire, quelque part, si j'arrivais à critiquer conformément à la déontologie que je vais vous énumérer, je pense que mes critiques ne seraient jamais perçues comme des critiques. L'idée, c'est que finalement, la critique, elle me paraît intéressante s'il y a une forme de co-travail, de collaboration, en fait. C'est-à-dire que je suis en désaccord avec ton article, mais je viens de le dire d'une certaine façon qui est plutôt de dire que je suis en désaccord, c'est-à-dire je veux participer à l'élaboration de ton idée. Je veux en faire partie. Et voilà ce que j'apporte au moulin, quoi. Voilà, c'est ça, hein. C'est ça l'idée en fait. Là, c'est une critique qui me paraît intéressante, qui me paraît bah, constructive, co-constructive. Si tu viens juste dire à la personne, non, mais t'as pas les yeux en face des trous, t'es à côté de la plaque, t'as rien compris au JDR, bah écoute, qu'est-ce qui va se passer? Bah, la personne, si elle est un peu, si à ce moment-là elle est un peu fragile dans sa vie, elle va juste avoir mal, quoi. Hein. Elle va se sentir, ouais, effectivement, elle va se sentir blessée, quoi. Et puis de toute façon, il n'en sortira rien au final, parce que du coup, ça va juste à la rigueur, ça va la renforcer, ça la renforce de ses positions. De toute façon, ce type, il vient, comment, il vient m'attaquer, mais je considère qu'il a rien compris. Donc, en fait, ça se remet absolument pas en cause ce que j'ai dit. Ou soit ça va juste la dégoûter, et ça, je trouve c'est le plus dommageable, ça va la dégoûter de faire de la théorie. Dire ça sert à rien que je fasse toutes mes réflexions sur le JDR, parce que y a un tel et un tel qui, la dernière fois que je l'ai fait, qui m'a tapé sur les doigts. Et honnêtement, moi, si je fais des réflexions sur le JDR, c'est pour aider, c'est pas pour me faire taper dessus. Ah, la personne, elle le sent comme ça, elle sent qu'on lui a tapé dessus. C'est pas forcément ce que tu as voulu faire en critiquant. Mais après, bon, la personne, elle le reçoit de cette façon-là, quoi. Et donc, moi, l'idée, c'est de proposer une méthode critique qui est basée sur la communication non violente. Et puis sur deux, trois autres choses, comme par exemple les accords Toltec. Un truc que disent les accords Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. À la rigueur, ça m'est difficile de vous le dire mieux que ça, quoi. Le principe de la parole impeccable, c'est que si je prends la parole, c'est jamais dans l'intention de blesser une personne. Moi, je prends la parole pour co-construire. Je prends la parole pour apporter, pour nourrir, pour enrichir, et je le fais et quand je construis. Parce qu'il y a deux façons. Hein. Il y a une personne qui est en train de construire une maison. Puis toi, tu vois, oh la vache, son ciment, c'est pas trop ça, quoi. Tu t'amènes comme ça, avec ton propre ciment, et tu fais, waouh, ouais, pousse-toi là, c'est nul ce que tu fais, regarde, plat, plat, plat, tu fais le ciment à sa place, quoi. Mais la personne, il y a quand même pas mal de chances qu'elle se sente meurtrie, quoi, parce que elle peut trouver que du coup tu remets en cause sa façon de travailler, que tu remets en cause son intelligence, son savoir-faire, son talent, sa persévérance, sa capacité musculaire, enfin tout ce que tu veux, quoi. Peut-être que ça peut être plutôt arrivé déjà à dire ses références. Bah écoute, moi, si tu veux, bah je suis maçon. Hein, déjà, ça se pose là, quoi. Je suis maçon, je vois que tu travailles sur ta maison depuis beaucoup de temps. Alors que d'habitude, moi, je trouve qu'un mur, ça se monte en moins de temps que ça, quoi, dans mon expérience. Je trouve que là, en plus, bah, je suis désolé de te le dire, mais j'ai vu que tu as fait ton ciment de telle façon. Moi, j'ai pas appris à le faire comme ça, et de mon expérience, j'ai le sentiment qu'avec cette forme de ciment, enfin voilà, honnêtement, j'approuve le fait que tu fasses ta maison tout seul, c'est vraiment un courage. Mais là, la façon dont tu fais ton ciment, j'attire son attention sur le fait que peut-être ça va se péter la gueule, quoi. Est-ce que tu veux bien, si tu veux, moi je te propose mon aide. Est-ce que tu veux bien qu'on voit ensemble, qu'on revoie ensemble la façon de faire du ciment? Voire même si tu veux, moi ça me dérange pas, si tu as besoin de repos, ça me dérange pas de carrément faire le ciment tout seul et puis te l'appliquer demain, quoi. Bon, bah là déjà c'est plus. Déjà c'est une proposition, la personne a le droit de refuser. Et si la personne refuse, tu acceptes son refus. Si elle te dit, bah non, écoute, moi je fais à ma manière, je veux pas toi dans mes pattes, donc bah désolé, merci, merci de la proposition, mais ce sera sans. Pas de problème, quoi. Et du coup, la construction, tu vas la faire autrement, c'est-à-dire que tu vas construire une maison à côté. Et puis, bah, au final, on verra bien laquelle qui tiendra. Je sais pas une compétition, mais c'est soit exemplaire, soit exemplaire. C'est-à-dire que la meilleure façon de critiquer une théorie, peut-être d'en sortir une autre. Quitte à faire, par exemple, je trouve qu'on devrait avoir le droit à des droits de réponse. C'est-à-dire, bah, machin fait tel article. Voilà, moi je voudrais, voilà moi comment je pense les choses. Je pense les choses un peu différemment. Je les pense plutôt comme ça, quoi. Et du coup, déjà, t'as plus de chances de gagner le respect de la personne si toi tu montres que t'as quand même une pensée construite, quoi. Si c'est juste tu viens et tu chies sur le travail qui est fait, bah ouais, ça va pas aller bien loin, quoi. Le truc aussi, c'est d'avoir tout simplement des demandes concrètes. Par exemple, tel paragraphe, écoute, j'ai pas bien compris ce que tu voulais dire. Honnêtement, je l'ai relu 3 fois. Je sais toujours pas de quoi tu veux parler. S'il te plaît, reformule. Ça, c'est une demande. Encore une fois, la personne, c'est une demande, c'est pas une exigence. La personne, si elle peut avoir plein de raisons pour pas retoucher son article. Elle n'a pas le temps, elle estime qu'elle est claire, ou autre, hein, et ben tu respectes. Toi, tu as fait ta demande, et après la personne, elle est, toi, tu es libre de faire une demande, la personne, elle est libre de refuser d'accéder à ta requête. Autre demande à faire de reformulation. C'est là qui me paraît importante, c'est quand il y a une divergence entre la lecture critique que tu vas faire et la lecture bienveillante que tu vas faire. Je vais prendre un exemple concret parce que sinon on va pas s'en sortir. Je prends l'article sur le vide fertile de Frédéric Saintès. Quand je fais une lecture critique, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il cite que 2 jeux possédant un vide fertile. Le vide fertile, hein, grosso modo, c'est un cercle vertueux. À l'intérieur du jeu, c'est un ensemble de règles qui forment un cercle vertueux discret qui permet d'amener les joueuses à explorer l'intention du jeu. Alors même que l'intention du jeu, finalement, elle est gardée secrète. Ou pas d'ailleurs, parce que bon, apparemment, il y a des vides fertiles où l'intention du jeu où l'intention du jeu, si tu veux, elle est clairement énoncée, mais c'est la mise en œuvre qui est plus discrète. Et en fait, Frédéric Saintès, ici, 2 jeux possédant le vide fertile, c'est Dogs in Vanyard de Mitchum Baker et Prosopopée qui est de lui-même, quoi. En fait, ma lecture critique, il me fait, ouais, attends, il cite Dogs in Vanyard, qui est un jeu de Vincent Baker, et en fait, c'est quelque part, il paraphrase un article de Vincent Baker qui a repris à lui-même, qui a repris à son compte la théorie du vide fertile. Alors, bon, le vide fertile et la généalogie, j'ai découvert ça dans le podcast sur le vide fertile. Il y a une personne, un anonyme, qui a fait un retour très intéressant sur la généalogie de la théorie du vide fertile. Au départ, c'est une théorie qui vient de Ron Edwards. Alors bon, ça se trouve, il faudrait encore développer, hein, parce que du coup, là, on remonte à des réflexions qui ont 10 ans, 15 ans. Ron Edwards, grosso modo, il dit que le jeu de rôle, c'est comme un système de jeu de rôle, c'est comme un cube, donc à 8 faces, mais qu'il faudrait que la 8e face, elle soit en creux. Et qu'en fait, quand tu joues, c'est les 7 autres faces du cube qui te repoussent à créer la 8e face. Voilà, l'analogie n'est pas facile à comprendre, mais que grosso modo, il y a une partie de l'intention du jeu qui est cachée et qui est générée par les autres mécaniques autour, quoi. Mais l'analogie du cube, en fait, fait que tu as vraiment l'impression qu'il y a très peu de cachés et beaucoup de visibles. Et Vince Schoenbecker, il prend le truc à son compte, mais vraiment en centrant la chose. Et vraiment en l'amenant sur des principes de jeu intenses, quoi. Alors là encore, c'est de l'exégèse. Hein. Mais grosso modo, ce qui se passe, c'est que en fait, du coup, il prend Vince Schoenbecker, il prend comme exemple son jeu Dogs in the Vineyard. Il dit, regardez, dans Dogs in the Vineyard, il y a du vide fertile. Attendez, et je pense qu'il faut que je retourne à l'article de Vince Schoenbecker, qui est vraiment une blague cet article, hein, pour le coup. Quand on parle d'approche scientifique du jeu de rôle, le vide fertile, il a tout faux. Parce que l'article fait 5 pages. Ouais, si c'est ça, il dit. Ouais, voici un dessin de Dogs in Vanyard en jeu, et donc il met des petites flèches avec en fait des règles de Dogs in Vanyard. Il y a les enjeux, les dés, l'escalade, bon, ainsi de suite quoi. Et il montre que ça pointe vers l'intention du jeu en fait. Quelque part, il le prouve pas. Il dit juste les différents. Tu vois, en fait, ce schéma, c'est pas une observation de la nature, quoi. Ce qui c'est pas. Enfin, si c'est une observation de la nature, mais c'est pas prouvé. Il n'y a aucun exemple de jeu, quoi. Si tu veux, là, je répète, hein, l'article, il fait 5 lignes. Hein. Il est très très elliptique. Bon, après, il y a 15 000 commentaires, hein, donc bon, derrière, dans les commentaires, c'est un peu plus débattu, quoi. Ouais. Donc, Frédéric Saint-Acide cite Dogs in the Vineyard, il cite Prosopopée, et donc, quand, en lecture critique, moi, je me fais. Franchement, j'ai envie de. Quand je me poste en lecture critique. Entre guillemets, quand je suis en posture de mauvais flic, on va dire quoi. Bah, je me dis, dis donc. franchement, ton article, il me donne l'impression, c'est que le vide fertile, il existe que dans deux jeux en fait. C'est que les exemples que tu montres, en fait, c'est les seuls exemples du monde. Qu'il n'y a que deux jeux qui possèdent le vide fertile, ce serait. Comment? Ce serait Dogs in Vanyard et Prosopopée. Et quand je fais une lecture bienveillante, c'est quand je suis gentil flic, je me dis pas la même chose. Je me dis, mais non, ça c'est juste des exemples. Pourquoi il prend ces exemples-là? C'est-à-dire finalement son propre jeu, et puis le jeu de son mentor et entre guillemets du précédent théoricien du vide fertile. Bah, il le fait pour des raisons de légitimité. Il se dit en fait le vide fertile, t'es qu'on l'a théorisé, c'est quelque chose qu'on peut observer. Comme si tu veux, les règles, elles amènent à l'intention du jeu de façon discrète. Et j'ai presque envie de dire quasiment à l'insu de l'auteur de jeu. Tu ne peux l'identifier que si tu connais le jeu par cœur, en fait. C'est que, à force d'y jouer, tu découvres effectivement, tu vois le cercle vertueux discret en action. Il cesse d'être discret. Et c'est seulement à partir du moment où tu l'as fait sortir du maquis, quoi, au bout de X parties, que tu peux identifier le vide fertile, quoi. Et du coup, ma lecture bienveillante, c'est que Frédéric Saint-Esse, il dit, attends, moi, sur le vide fertile, je vais m'avancer que sur des jeux que je connais par cœur. Dogs in the Vineyard, bon, je pense que c'est notoire qu'il y a dû y jouer un paquet de fois, et que c'est vraiment un de ces jeux cultes. Il y a pas mal d'articles précédents qui citent Dogs in the Vineyard, hein, en exemple, hein. Donc je pense qu'il le connaît à fond. En plus, quelque part, pour le coup, il s'appuie sur Vince Schoenbecker qui cite déjà les éléments de règles qui nourrissent le vide fertile. Et puis bah Prosopopée, c'est son propre jeu, donc on peut estimer qu'il l'a testé un paquet de fois et qu'il le connaît de façon très intime, quoi. Dans le podcast sur le vide fertile, Fabien Ilvine renchérit sur cette méthode de on peut découvrir le vide fertile que si on connaît le jeu par cœur en citant son propre jeu Monostatos. Alors, je suis même pas en train de dire. Là, je veux pas statuer sur est-ce que oui ou non il y a du vide fertile dans ces jeux-là. C'est juste que voilà. Moi, ce que je constate, c'est une dissonance entre ma lecture critique et ma lecture bienveillante. Et du coup, ces deux lectures-là me disent pas la même information. Il y en a une qui me dit, en fait, il a conçu une théorie qui est applicable que pour deux jeux dans le monde. Et que du coup, à moins de hacker ces jeux, on ne peut pas reproduire le vide fertile. En fait, pour refaire du vide fertile, il faudrait faire un hack de Dogs in Vanyard ou un hack de Prosopopée. Et que du coup, on est sur quelque chose finalement qui est en train de restreindre le média, quoi. En plus, ma lecture critique, elle me laisse à penser que le vide fertile, les jeux à vide fertile, c'est les meilleurs jeux du monde. Et les autres, c'est bien d'y jouer, mais honnêtement, c'est pour les faibles. Hein. Ma lecture bienveillante, elle me dit tout autre chose. Elle me dit, il y a peut-être du vide fertile dans plein de jeux, mais il faut s'atteler à les étudier. Bon, en plus, il faut reconnaître les limites du vide fertile dans le sens où ça s'applique que aux jeux intenses. Et que, effectivement, cette idée de cercle vertueux discret, c'est une pratique du jeu qui peut intéresser certaines personnes, mais qui a d'autres pratiques de jeu, notamment des jeux qui ne cachent pas leurs intentions. Des jeux que, moi, j'ai déjà expliqué dans Intensité-Profondeur que, à mon idée, il y avait sans doute des jeux. Les jeux profonds, c'est des jeux avec plusieurs vides fertiles, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs intentions de jeu, et du coup, tu tombes d'un cercle vertueux pour arriver dans un autre. Et là, du coup, j'observe une dissonance entre mes deux lectures, et là, la meilleure critique que je puisse faire, c'est d'en faire part. Donc là, je le fais, hein, quelque part, par ce podcast. Bon, j'ignore si Frédéric va l'écouter. Mais au moins je l'ai exprimé, quoi. Alors, j'ai un appel téléphonique, il va falloir que je coupe. Ouais, c'est de la pub. Alors justement, il y a une question sur quel canal on va exprimer notre critique. Ah, ça insiste, je vais couper parce que. Alors c'était bel et bien de la pub. Donc voilà, j'ai décroché pour rien, j'ai interrompu le truc pour rien, mais c'est pas grave. Oui, donc il y a la question de où est-ce que sur quel canal tu vas exprimer ta critique? Je pense que le meilleur canal, ce serait sans doute en commentaire sur l'article. Ou sur un podcast. Enfin, je pense que c'est le meilleur endroit pour débattre d'un article parce qu'on reste bien circonscrit dans la zone de réflexion, quoi. Après, le deuxième meilleur endroit, et c'est finalement celui que je privilégie, c'est dans vos propres réflexions. C'est-à-dire que bah, vous allez sortir un article et dans votre article, vous allez reprendre la réflexion d'un tel et puis dire bah, là j'ai observé telle dissonance dans sa réflexion et je voudrais des comment pour le coup, alors si tu te fais dans tes propres articles, ça me paraît difficile de. Enfin, tu peux, hein, ouais, ça peut être une forme de demander une réponse, d'écrire un article pour dire bah, explique-moi comment ça marche. Tu peux le faire, je pense que tu peux le faire. Du coup, ce serait une forme de lettre ouverte. Ou alors, tu peux finalement, pour le coup, apporter tes propres réflexions. C'est-à-dire que voilà, sur le vide fertile, quelque part, bah, moi, je vous ai offert. Finalement, je vous ai offert mes propres réflexions. C'est-à-dire que dans l'article sur le vide fertile, j'observe des choses que je considère comme des manques, c'est-à-dire des choses qui ont besoin d'être pour moi développées, des questions qui me restent sans réponse. J'apporte mes propres réponses. Je me dis pas, bah, à mon avis, et pour le coup, je dis pas, à mon avis, Frédéric Saint-Esse a voulu dire ça. Je me réapproprie sa théorie. C'est-à-dire que j'utilise sa théorie comme étant finalement un élément de la nature. Je dis ok, le vide fertile c'est un élément de la nature. Mais ok, admettons que on puisse créer un cercle vertueux discret de règles. Et ben voilà entre guillemets la façon dont je vois les choses. C'est-à-dire pour moi c'est valable comment cette chose n'a d'intérêt que dans des jeux intenses. Ou alors si on la met dans des jeux profonds, eh bien il y en faut plusieurs. Mais du coup on est en droit de penser que s'il y a plusieurs vides fertiles, finalement il n'y en a aucun, quoi. D'autant plus que finalement c'est une théorie qui a été élaborée dans un système de valeurs dans un système de valeurs qui est les jeux intenses c'est le bien, les jeux profonds c'est pas top. Bah ouais, je suis désolé hein, Frédéric, moi honnêtement quand je lis tes articles, il y a quand même une forte défense du jeu à grande cohérence interne hein, du jeu intense quoi. Je pense qu'honnêtement, tu cherches, ça m'étonnerait que tu cherches à théoriser le jeu profond, quoi. Donc les théories que tu fais, elles me semblent valides dans le cadre du jeu intense. Si je peux les extrapoler au jeu profond, je le fais, mais il y a des fois où c'est juste impossible. Et quelque part, ce qui prouve finalement la solidité de ce que tu vas énoncer, quoi. Si j'arrive pas à le sortir de ton système de valeurs, c'est bien que c'est valable dans le cadre de ton système, quoi. Enfin, oui et non, parce que bon, il y a plein de trucs qu'on peut faire des extrapolations, quoi. Je peux faire une théorie sur l'immersion au jeu de rôle et après me rendre compte que ma théorie sur l'immersion au jeu de rôle elle est valable dans tout type de jeu, quoi. L'extrapolabilité, bon, le terme atroce, d'une notion, c'est loin de, comment, c'est loin de la mettre à bas, quoi. Ouais, le bib arrive, le bib arrive. Alors, ce petit bib, hop, bien frappé là, sans faux col. L'autre média pourrait mettre une critique qui me paraît bien. À la rigueur, c'est vrai que si vous avez à cœur de préserver. Si d'une certaine façon vous avez peur de la réaction de la personne en face, notamment parce que cette personne elle peut être quelqu'un que vous appréciez et que vous avez, ou tout simplement parce que même si vous la connaissez pas, la personne à la rigueur vous avez juste pas envie de la blesser quoi, ou en tout cas pas envie, vous craignez que ce que vous allez dire va être interprété par la personne comme quelque chose qui va la blesser. Hein, chacun est responsable de ses sentiments. Alors si vous vous comportez de façon violente, vous êtes responsable de votre violence. Mais si vous vous comportez de façon non violente et que la personne, elle après derrière, elle se sent blessée, elle est responsable, si tu veux, de son sentiment d'être agressée, quoi. Il faut rendre les sentiments à chacun, quoi. Si je fais une critique et que la personne en face, elle est en colère, c'est elle qui se met en colère. Hein. Le contenu de ma critique peut être en cause, mais moi en tant que personne, est-ce que je suis en cause? Je sais pas. Hein. La dernière façon, bah, c'est de faire en message privé, quoi. Hein. Vous envoyez un message privé à la personne, dire bah ta théorie, moi j'ai besoin d'explications, machin, quoi. En fait, ça dépend aussi des résultats que vous espérez, des demandes que vous faites. Et je pense qu'en fait, il faut faire des demandes. C'est ça. Ça, c'est très très important. Il faut faire des demandes. Pas des exigences, des demandes. C'est-à-dire que si vous envoyez un message privé à la personne pour dire bah, ta théorie, je l'ai mal comprise, j'aimerais que tu reformules tel point, tel point, tel point. Ou ta théorie, je vois pas d'où elle vient, j'ai l'impression qu'elle vient de nulle part, j'aimerais que tu me dises tes sources. Ou alors, j'ai l'impression que tu es en train de réinventer la roue, que ce que tu dis, ça a déjà été dit par 15 théoriciens avant toi, et que toi, en plus, tu le dis moins bien. Suffit pas de dire ça. Après, derrière, il faut faire des demandes. Dire, bah, s'il te plaît, je veux que tu cites tes sources et pas juste à moi en privé, mais que tu le fasses en public. Genre, tu modifies ton article, tu fais un nouvel article, un article qui va étayer en fait. C'est-à-dire, tu demandes à la personne d'étayer. Étaye ta thèse. Où ça va être tu demandes à la personne de reformuler, s'il te plaît, refais un article numéro 2, où tu vas reprendre le truc et le reformuler, dire oui, en fait, j'ai dit des choses comme ça, mais peut-être que finalement, je voulais les dire autrement, quoi. Ainsi de suite, quoi. Et bon, moi, j'ai pas toutes les coulisses, mais il y a quand même pas mal, on voit en théorie, que ce soit Frédéric Sintès le fait pas mal. Notamment sur le positionnement, il a fait deux articles. Eugénie, elle fait souvent des articles à suite. Alors, je sais pas d'où ça vient. Soit c'est juste la personne, ça lui vient d'elle toute seule, parce qu'elle voulait fractionner sa pensée en petits épisodes, ou parce que elle a réfléchi elle-même à sa théorie, puis elle s'est sentie le besoin de refaire un nouvel article pour critiquer finalement, pour s'autocritiquer quoi, si on veut quoi, pour développer son propos. Ou alors c'est peut-être parce que justement elle a reçu des critiques, des personnes qui lui demandaient des reformulations, machin, et que du coup elle a ressenti le besoin de faire un article numéro 2 quoi. Mais formuler la demande, dites, moi je veux un article numéro 2. Pour le coup, tiens, je formule la demande. Par exemple, par rapport à Frédéric Sintès, moi ce que j'apprécierais qu'il fasse, alors évidemment, hein, c'est en fonction du temps, de l'énergie et de l'envie qu'il a. Hein, c'est-à-dire que il a tout à fait le droit de me dire non, hein, bien sûr. Mais effectivement, si je pouvais avoir par exemple un article qui me dise si oui ou non la combativité et l'absorption c'est enfin en fait essentiellement un article qui me dise dans quel système de valeurs il se place. C'est-à-dire que j'ai dit plusieurs fois que Frédéric Sintès il se plaçait dans un système de valeurs qui était sur l'immersion dans le personnage et puis on va dire épouser la cause de son personnage. Moi, j'ai quelque part, j'aurais besoin qu'il me fasse un article qui valide ça. Qui me dise, oui, effectivement, mes articles sont valables dans les jeux où tu épouses la cause de ton personnage. Dans les jeux où tu fais autre chose, mes articles sont dépassés. Alors, il l'a déjà fait, hein, plus ou moins, hein, j'aurais encore une fois, hein, voilà, là, je suis en train de répéter le podcast Métathéorie, mais bon. Voilà, mais tout comme je crois des fois tu peux faire aussi une critique en créant des jeux qui invalident la théorie de la personne. Par exemple, Romaric Briand, il fait sa théorie du Maelstrom, c'est censé s'appliquer à plusieurs personnes, et il y a Gaël Sacré qui sort un jeu Happy to Happy, qui est un jeu solo, hein, c'est pas le premier jeu de rôle solo, hein, attention. Hein. Mais c'est juste que Romain Grian, quand il voit sortir Happy, il se dit, bah oui, bah en fait, ma théorie du Maelstrom, elle est dépassée pour ce type de jeu. Je reconnais que c'est un jeu de rôle, mais il est en solo. Alors, pour le coup, ma théorie du Maelstrom, elle vise à définir le jeu de rôle, mais en tant qu'activité à plusieurs, quoi. Je rappelle juste une fois, hein. Sortir des jeux, c'est une très bonne façon de théoriser. Voilà, pour le coup, c'est de la théorie appliquée, quoi. Hein. Je crois qu'il y avait Sean Baker et Greg Pogor. Hein. Greg Pogor aussi a fait un article, mais je crois qu'il paraphrase Sean Baker pour dire qu'en fait, ce qui reste de la théorie, ce sont les jeux, quoi. Et que la meilleure théorie, finalement, ce sont les jeux, quoi. Parce qu'ils permettent d'établir une grammaire. Un jeu comme Apocalypse Heart, par exemple, établit une grammaire, c'est-à-dire que finalement, on voit une façon de penser le jeu de rôle dans Apocalypse Heart, avec cette notion de que les personnages se définissent par des moves, c'est-à-dire des types d'actions qu'on leur suggère de faire, et c'est les actions des personnages qui créent le jeu. Que le maître de jeu doit avoir lui aussi des moves, une liste fermée en fait d'actions qu'il peut faire quoi. et non pas comme dans finalement beaucoup de jeux de rôle qui ont précédé Apocalypse World où le maître de jeu, si on veut, il avait une liste ouverte d'actions à faire, quoi. Et donc quelque part, s'il y a eu autant de, s'il y a eu autant de hacks d'Apocalypse World, c'est parce que finalement, Apocalypse World, c'était finalement une nouvelle théorie, quoi. Quelque chose un petit peu un truc post-forgéen, quoi. Ouais, on va dire comme ça, quoi. Une nouvelle façon de voir le jeu de rôle, quoi. Et donc finalement, les hacks d'Apocalypse World, c'est juste que Apocalypse World crée un système de valeurs de jeu de rôle, et en fait, il y a des jeux qui se créent, qui s'inscrivent dans ce, à l'intérieur de ce système de valeurs, dans l'idée où, oui, on va faire des jeux, maintenant on va faire des jeux où ce sont les actions des personnages qui créent l'aventure, et non plus les personnages qui sont en réaction par rapport à ce que l'aventure propose, quoi. Alors juste comme ça, hein, il n'y a pas que Apocalypse World qui fait ça. Hein, Pirates de Michael Jeannot, tout en étant finalement pas du tout dans la mouvance Apocalypse World, est complètement un jeu où ce sont les actions des personnages, où il y a une économie en fait qui contraint les personnages à l'action, et c'est les actions des personnages qui créent le jeu, quoi. C'est-à-dire que le maître de jeu n'a pour ainsi dire rien à faire, quoi. Il a juste à réagir aux actions des personnages, même. Ouais, c'est finalement toute l'aventure et les contenus dans le résultat des GD, quoi. T'as juste le maître de jeu, il a juste une micro, il a juste des micro-situations à lancer, et puis derrière, c'est vraiment les actions des personnages qui génèrent le jeu, quoi. Hop. Donc, il y a ça. Je pense qu'un auteur n'a pas à faire d'autocritique ou d'autodéfense. Ça sert à rien de l'auteur de se flageller, de dire ah oui, c'est vrai, j'ai pas cité mes sources, oh j'ai réinventé la poudre, oh je suis une merde, je me flagelle et tout. Ça sert à rien. Et de même que l'autodéfense sert à rien non plus. Dire à quelqu'un, bah attends, tu viens me critiquer, d'où tu me parles. Espèce de malotru, ça n'apporte rien, quoi. Si je reçois une critique que je perçois comme violente, gratuite en fait, voilà. Si je reçois une critique gratuite, c'est à moi, auteur, de demander à la personne de reformuler, quoi. Dire, attends, là, moi j'ai besoin de savoir plus, quoi. Et là, j'en viens à ce que un bouquin qui s'appelle Conversation cruciale, qui est que si les gens s'engueulent, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas assez d'informations l'un sur l'autre. Et que, en fait, il y a une personne qui va dire une chose et l'autre, elle va comprendre une autre chose parce que la première personne, elle a dit des choses trop générales. Et en fait, il faut forcer la personne en face à préciser sa pensée jusqu'à ce que tu sois sûr d'avoir compris parfaitement ce que la personne ressentait, pourquoi elle ressentait. Et une fois que tu as compris parfaitement, et ben là, tu peux répondre. Et en essayant, toujours principe de la parole impeccable, toi-même de t'exprimer parfaitement, c'est-à-dire d'essayer d'être le plus compréhensible possible. Alors j'en viens aux généralités. Pour le coup, ce qui. Quand Gerhardt avait dit oui, les articles de théorie sur mon panel de théoriciens, alors déjà, au début, il précise pas, il dit juste les articles de théorie, il dit une phrase qui m'a. Une phrase choc. Il dit la théorie produit si peu, quoi. Donc ce que tu peux interpréter comme ouais en fait pour le moment ce que vous avez théorisé c'est du vent, quoi. Et puis après il enchaîne avec le fait que les sources sont pas citées, qu'on met en valeur notre ego. Puis après il y a plusieurs personnes hein, qui ont enchaîné un petit peu sur le même ton. Tiens, bah, je vais prendre un exemple toujours de cette discussion. Steve Jakubowicz dit, bah, je trouve que par exemple, la théorie actuelle, il y a trop de classification. Et la classification, c'est ennuyeux. Bam, bam, bam, une bonne série de jugements. Donc là, en fait, il faut faire préciser sa pensée à la personne. Tu dis, bah oui, attends, il y a trop de classification. Ok, cite-moi les articles récents que tu as vus, où c'est de la classification. Ensuite, dis-moi en quoi C'est ennuyeux. Et en quoi c'est ennuyeux pour toi? Parce que l'ennui, c'est une notion subjective, quoi. Je veux dire, il y a peut-être des personnes, moi le premier, honnêtement, quand je vois des articles de classification, bah, ça m'intéresse vachement. Même si des fois, je vais être en désaccord, hein. Par exemple, Mathieu Briscou, il est en train de faire un article sur la classi il a fait un article sur la classification du JDR. J'ai commenté, hein, sur les ateliers imaginaires, j'ai commenté son truc, j'ai fait divers commentaires. En quelque sorte, je suis plus ou moins en désaccord avec son truc. Enfin, c'est-à-dire que moi, je vais pas utiliser sa classification, je vais pas utiliser ses termes. Après, les choses que j'avais à lui dire, je lui ai dites, quoi. Par exemple, je crois qu'il y a un moment où il réutilise la GNS, je lui dis, moi, de mon point de vue perso, la GNS, c'est obsolète. Puis j'ai un peu argumenté quand même pour dire pourquoi je pensais que la GNS était obsolète, quoi. Pour autant, sa démarche, moi, je la trouve intéressante. Pour le coup, c'est voilà, c'est une étude du jeu de rôle en disant, bah ouais, on va essayer de classer le jeu de rôle. En plus, au moins, il n'y avait pas de jugement de valeur embarqué, quoi. C'est-à-dire, bah voilà, de façon neutre, comment on peut distinguer différentes formes de jeu de rôle? Ça répond, par exemple, un petit peu à l'appellation que, comment à la demande de Jérôme Larrey, là, dans Bon bain à mon tour. Bah oui, voilà, justement sur. Comment sur la nécessité de définir des formes du jeu de rôle, quoi. Alors j'en venais où? Mais en fait, ce que je l'ai pas fait à Steve. Il faudrait que je le fasse à la rigueur, quoi. Je trouve que c'est une forme de critique comme ça, dire il faut pas faire ce genre de choses. Elle n'est pas constructive en fait. C'est très peu. Il y a en fait, c'est très difficile de retirer une information de ça. Moi, ce que j'ai envie de demander à Steve, c'est dire, bah, ok, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que toi, tu voudrais qu'on fasse comme article? Est-ce que tu veux des articles qui fassent des inventaires? Est-ce que tu veux des articles qui donnent des conseils aux meneurs de jeu, aux joueuses? Est-ce que tu veux des critiques de jeu? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Voilà, si tu formules une demande, ce sera plus facile à être entendu que si tu récuses une offre en fait. Bon, c'est ma position personnelle, hein, bien sûr. Il y a ça. Putain, il y avait quoi? Il y avait un truc important. Ouais, bah si, si, quand même, déjà, faites des demandes par la positive, quoi. C'est-à-dire lister vos demandes. Plutôt que. En fait, c'est beaucoup plus facile à comprendre si vous listez une demande, c'est beaucoup plus facile à comprendre que si vous listez ce que vous ne voulez pas. Ah, on veut pas que tu fasses des articles de classification. Ah, ouais, qu'est-ce que je fais alors? Qu'est-ce que je fais? Tandis que si on dit, bah on veut que tu fasses. Je sais pas moi, et en fait c'est ça, à la rigueur, la critique, une forme de critique que je trouve intéressante, c'est dire. Par exemple, en fait, moi, là, je reste sur ma faim quand je vois le premier message de Sidolfine où il dit que la théorie produit si peu. Et moi, la question que je pose à Gerhardt, c'est, ça veut dire que pour toi, il y a des continents en noir de la théorie, des terrains incognita qui n'ont jamais été explorés. Mais du coup, c'est quoi? Nomme-les, quoi. C'est-à-dire, quels sont les champs théoriques qui pour toi reste à explorer. Quels sont les champs que tu nous invites à explorer? Alors, je sais pas, moi ça peut être, par exemple, je pense que si je lis un peu entre les lignes ce que dit Gerhardt, et aussi Gaël Sacré le dit dans une de ses toujours dans le fil de discussion, c'est de dire qu'en fait il y a trop de théorie qui est juste du game design, c'est-à-dire de la réflexion qui a pour but de produire des jeux. Et que du coup, les continents noirs, ça pourrait être par exemple de la réflexion sur qu'est-ce que le jeu de rôle produit dans la tête des joueuses. Par exemple, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être sur qu'est-ce que. Alors, apparemment, il n'aimait pas les trucs interdisciplinaires, donc des idées sur qu'est-ce que le jeu de rôle apporte aux gens, je pense pas que ça l'intéresse. Hein. C'est-à-dire qu'il doit estimer qu'il y a des études sociologiques sur le jeu de rôle, psychologiques, qu'il y en a assez. C'est pas ça qui. Ah, j'en sais rien, en vrai. Gérard, si tu écoutes le podcast, peut-être que tu pourras me répondre. Hein. Pour le coup, justement, on est en discussion, en croisée, quoi. L'avantage, c'est que si tu pointes un continent noir, tu dis, bah moi je trouve que ce champ théorique il n'est pas assez exploité. Eh bien, on va pouvoir te répondre en te disant, ah bah ouais, effectivement, moi en tant que théoricien, ton champ théorique il m'intéresse pas, c'est vrai que j'en parle pas. Ou ça peut être, ah ouais, bah t'as raison, chiche, bah on va y aller. Ouais, c'est vrai que ça, on manque de réflexion sur le sujet, on va y aller. Ou alors on va lui répondre, bah non, je suis désolé mon coco, mais moi je vais te citer telle source qui en parle de ton continent noir, quoi. Ah oui, tu penses qu'il n'a pas été exploré? Bah je suis désolé, il y a déjà eu des Vikings, parce qu'en plus généralement c'est des Nordiques qui ont déjà défriché le terrain à l'avance, quoi. Il y a des, c'est un peu, tu sais, comme on dit, ah oui, j'aimerais bien qu'on a exploré les Amériques, alors qu'en fait les Vikings les Vikings l'ont déjà fait, enfin ils ont exploré le Groenland. Encore que je crois que j'avais lu une polémique qui disait qu'il était fort possible que les Vikings avaient exploré plus que le Groenland, qu'ils avaient descendu plus bas. Bref, bon, on va pas. Là, ça commence à être. Je commence à sortir de mon terrain de confort. Parce que des fois, le problème quand tu émets une généralité, quand tu dis oui, la théorie ne parle pas de ça. C'est que franchement, t'as 9 chances sur 10 de te planter. Il y a 9 chances sur 10 pour que, en fait, si ça a déjà été traité par machin, par un Portugais en 1995, dans le journal international of Role-Playing Game, ou je sais pas quoi, ou voire même carrément par un mec avec qui tu discutes tous les jours sur Google+, quoi, qui va dire, bah, je suis désolé, j'ai fait tel article qui en parle, quoi. Ah bah ouais, je les avais pas lus. Ça peut arriver. Donc, tu vois, on parle d'ego. En fait, c'est ça le problème, c'est que on me dit que les théoriciens, ils théorisent pour flatter leur ego. Mais il y a des fois, il y a une forme de critique qui est vraiment là aussi pour flatter son ego. L'air de dire, alors, faudrait que je retrouve l'article. J'irai voir par exemple dans, il y a un article de Sébastien Desfineaux sur le gameplay. Qui dit on n'est pas capable de, je sais plus, produire tel effet. Je sais plus de quel effet il parle. Donc c'est pour ça qu'il faut que je retrouve l'article. Est-ce que quelque part, moi je te pose la question Sébastien, est-ce que t'es pas en train de flatter ton ego en disant ça, en disant ouais, vous vous rendez compte qu'il y a tel effet en jeu de rôle, la totalité des game designers du monde de l'histoire ont été incapables de le produire, mais moi je sais comment faire. Il y a peut-être un moment, soit je vais te demander d'aller peut-être un peu enrichir tes sources, parce que peut-être qu'en fait, peut-être qu'on va pouvoir te citer une centaine de jeux qui le font, et peut-être aussi. Que tu, je te pose la question, est-ce que t'es pas dans le déni? Est-ce que tu n'es pas tout simplement complètement au courant que ces jeux ils existent, mais que pour le besoin, entre guillemets, d'avoir un article un petit peu choc, tu vas prendre la posture de dire que bah, de nier l'existence des acquis, quoi. Alors, je suis pas en train de dire que tout a déjà été inventé et qu'on n'invente plus jamais rien. On avait fait un podcast, les anciens et les modernes, là-dessus. Mais juste, ça m'arrive, vraiment quand j'ai lu l'article de Sébastien, vraiment je retrouve la référence parce que ça m'avait frappé, hein, cette idée que en fait, pour moi, il était en train de dire qu'une chose n'existait pas alors que j'avais des contre-exemples. Donc je retrouverai l'article et à la rigueur, si je peux, j'écrirai carrément pourquoi je pense le contraire. Et puis si je me rends compte que j'ai fait une connerie, bah, je dirai j'ai fait une connerie. Maintenant je fais des errata dans mes podcasts. Donc voilà, la critique, émettre des généralités, ça va pas. Et il faut nommer. Donc plutôt que dire, par exemple, personne n'a été capable de. Je vais dire n'importe quoi, je prends un exemple, mettons que je dise. Il n'y a pas un seul game designer qui a été capable de mettre la romance en jeu. On ne sait pas faire de la romance en jeu de rôle. Alors là, Enfin, franchement, je suis persuadé qu'il va y avoir plein de. Il y a plein de contre-raisons qu'on va trouver. On va dire, bah tiens, maintenant, il y a Breaking the Ice qui permet de jouer de la romance. Déjà, à la rigueur, là, comme tu as bien nommé, c'était quoi le manque? Plutôt que dire les game designers sont nuls, ils font des jeux qui fonctionnent pas. Tu as dit juste les game designers sont incapables de produire des jeux qui mécanisent la romance. On va pouvoir te citer des contre-exemples, et là, éventuellement, tu vas pouvoir dire en quoi cela. Tu vas peut-être pouvoir dire, oui, mais Breaking Gage, je connais, mais ça ne me satisfait pas. Parce qu'en fait, l'attraction, la compatibilité entre les deux amoureux, elle est décidée par les dés. Et en fait, moi, je voudrais que les mécaniques, elles gèrent autre chose que de décider si tu tombes amoureux de l'autre personne, quoi. Parce que du coup, en fait, ça te permet de discuter c'est quoi toi la romance, c'est quoi pour ça te permet de dire oui bah moi la romance en gameplay, voilà comment je la vois. Et pour le coup, Breaking the Ice répond pas à mes attentes sur la romance en gameplay quoi. Ou tout comme on va pouvoir te répondre de dire qu'en fait il faut surtout pas mécaniser la romance, que c'est vraiment un truc qui doit rester émergent. Et que la contraindre, en fait, c'est risqué, quoi. Que, en fait, ça doit faire partie des choses qui sont forcément designées en creux, quoi. Que la puissance d'une romance, c'est que justement, elle est gratuite, en quelque sorte. Que c'est quelque chose qui est vraiment entièrement lié à l'émotion. Et que si tu le mécanises, en fait, tu pousses les joueuses, entre guillemets, à jouer à la romance en mode auteur, quoi. Tandis que si tu veux que les joueuses, elles jouent la romance en immersion dans le personnage, en fait, il faut juste laisser le truc venir, quoi. De façon subtile, quoi, entre guillemets. Alors, façon plus ou moins subtile, hein. En leur mettant des figurants charisme 18 dans les pattes, en espérant qu'ils vont en tomber amoureux, quoi. En utilisant des sorts de charme. Alors, quoique, sorts de charme, on en revient avec la posture du mode auteur. Avec la posture d'auteur. Ou tout simplement en faisant des descriptions, en faisant des descriptions de figurants telles que tu espères que la personne elle va être séduite. En fait, c'est-à-dire que finalement, la séduction, elle est mise entre les mains du roleplay. Le roleplay des joueuses et le roleplay du maître de jeu quand il roleplay ses figurants, quoi. Et que le roleplay, justement, quelque chose. Alors, on peut encore en discuter. Est-ce que le roleplay, c'est évanescent? Est-ce que c'est un truc complètement indépendant des mécaniques? Que c'est juste un geste rôliste transversal d'un jeu sur l'autre? Évidemment, il y a plein de. Je pourrais trouver plein de contre-arguments. Donc voilà. Et une meilleure façon de. Je trouve une façon moins violente de. D'exprimer la même chose, c'est de dire moi dans les jeux que je connais, c'est-à-dire reconnaître en fait l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que nos références elles sont limitées, elles sont forcément limitées, c'est mathématique. C'est-à-dire que tu ne peux pas connaître la totalité de ce qui se fait en jeu de rôle. Et je veux dire, même à la rigueur, si tu avais lu les 100 000 jeux de rôle qui sont sortis depuis 1974. Et là encore, on se réfère à une définition du jeu de rôle qui se limite au jeu de rôle papier. Parce que si on part du jeu de rôle plus globalement et qu'on remonte jusqu'à la Commedia dell'arte, voire même au théâtre grec, hein, si on fait partie du jeu de rôle d'Aristote, on n'est pas rendu. Hein. Même si tu avais lu la totalité du jeu de rôle parce que tu es vraiment un cyborg de ouf, t'es une machine qui fait du deep learning, tu as lu la totalité des jeux de rôle du monde, il faut encore que tu t'en rappelles. Il faut que tu t'en rappelles, quoi, de tous les jeux de rôle que t'as lus, quoi. Et puis, encore une fois, c'est une chose de lire un jeu de rôle, c'est une chose de y jouer. C'est-à-dire que, quand tu joues au jeu de rôle, t'observes des effets que t'avais pas forcément soupçonnés quand... quand tu les avais lus. Et puis il y a ce qu'on appelle le gameplay émergent. Et pour le coup, bah, c'est chez Donnelly justement qui avait une notion de savoir transversal en fait. C'est-à-dire que par exemple sur la romance en jeu de rôle, Il y a effectivement la romance telle qu'elle est mécanisée dans les jeux, quoi. La romance dans les règles. Et nous, du coup, chaque jeu régularise la romance de façon différente. Et il y a tout le savoir transversal sur la romance, c'est-à-dire en général, comment les joueuses d'un jeu, enfin, indépendamment du jeu, vont jouer la romance. Et que ce savoir transversal, il est aussi intéressant à étudier, quoi. Que ce soit pour le réinjecter dans la création de nouveaux jeux, qui vont verbaliser ce savoir transversal, le reprendre à leur compte, ou que ce soit tout simplement dans l'enrichissement justement du savoir transversal, quoi. Par exemple, un blog tel que Je ne suis pas MJ, de Génie, il n'a pas pour objectif de créer de meilleurs jeux. Après, moi, je suis persuadé qu'il y a des game designers qui peuvent s'en emparer pour créer leurs jeux. Mais pour autant, l'objectif de Génie, il est assez clair, il est de produire un savoir transversal sur le roleplay, pour faire simple. Alors, où est-ce que j'ai l'impression que je m'égare, un truc de ouf, quoi. Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, un truc sur la lecture bienveillante. C'est un truc qui a été vachement défendu sur les imaginaires. Moi-même, comme je suis favorable à la communication non violente, j'y étais très sensible dès le départ. Ça existait déjà sur Silent Drift. L'écoute bienveillante ou l'écoute charitable, c'était quoi? Ça veut dire que quelqu'un poste un article, une théorie, une réflexion. Si tu pratiques la lecture bienveillante, parce que c'est plutôt la lecture, on est sur un forum, la lecture charitable, c'est que tu pars du principe que la personne qui écrit, elle sait pas un abruti, elle sait de quoi elle parle. Et que si tu es en désaccord, c'est peut-être que tu as mal compris, ou que bah, tu es en désaccord, et voilà quoi. Let's agree to disagree, quoi. Soyons d'accord pour pas être d'accord. Pour autant, il faut pas que la lecture bienveillante, ça soit un filtre rose bonbon que tu appliques. Et que, en quelque sorte, je vais prendre une métaphore assez trash. La lecture bienveillante, elle est inutile si par exemple, enfin, elle est contre-productive si par exemple la personne en face de toi, elle t'a pondu un gros étron. Et que toi, comme tu as des lunettes rose bonbon, tu vois un magnifique cupcake délicieux. Ça, c'est travestir la pensée de la personne en face, quoi. Il y a un moment, si la personne te sort un article de 5 lignes avec un schéma putassier, alors personne ne doit se sentir visé. En prétendant révolutionner le monde du JDR. Ok, tu peux faire une lecture bienveillante en disant ouais, non, mais si la personne, elle a vraiment un concept dans la tête, on sent que c'est étayé, qu'elle y a réfléchi longtemps. Après, derrière, ok, tu t'es dit ça, c'est cool, t'as été bienveillant. Mais après, derrière, t'es quand même en droit de dire, ok, mon garçon, c'est gentil, mais moi, j'ai besoin, too short, ni de contexte. Hein, c'est trop court, j'ai besoin de contexte. J'ai besoin que tu m'expliques ton truc, là. 5 lignes, ça ne me suffit pas. J'ai rien compris. J'ai besoin que tu l'étayes. J'ai besoin que tu le prouves. J'ai besoin que tu me donnes des exemples. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu formules des besoins, tu formules des demandes. S'il te plaît, fais ça, s'il te plaît, fais ça. Tu peux reformuler aussi toi et me dire, ah oui, attends, là, tu m'expliques le vide fertile. Moi, si j'ai bien compris, c'est que c'est un cercle de règles, un cercle vertueux discret, qui amène les joueuses à explorer leur intention quasiment à leur insu, ou entre guillemets, sans qu'elles aient besoin de se poser la question. Hein? Reformuler, ça, du coup, ça invite à la personne à repréciser sa pensée, dire, ah oui, non, oui, c'est ça, ou non, non, c'est pas du tout ça, en fait, laisse-moi te réexpliquer, quoi. Ça, c'est en fait, si tu veux, le truc, c'est que si tu t'arrêtes à la lecture bienveillante, bah, t'as rien construit en fait. C'est juste. Oui, tu peux dire, ouais, tout le monde, il est beau, tout le monde. Comment. Alors, pour le coup, et ça, je pense que c'est aussi un des fondements de la communication violente. J'essaye de penser que toute personne est merveilleuse. Y a que des bonnes personnes. Il n'y a que des bonnes personnes qui des fois font des choses mauvaises. ou violente, ou idiote, ce que tu veux, quoi. Ou complètement, ou alors tout simplement complètement alien pour moi, quoi. Hein, par exemple, je prends un exemple, hein, moi je suis vegan. Bon bah tous les carnivores, ce sont des excellentes personnes qui font un truc qui me paraît horrible, c'est-à-dire manger de la viande. Et qui leur font parce qu'elles ont leurs raisons, tout ça, et ainsi de suite. On peut en débattre, mais à chaque fois, il faut que je prenne chaque personne à part et puis qu'on en débatte et que je lui demande pourquoi elle mange de la viande. Et t'as vu, tu veux jouer avec ta pyramide? Waouh, destruction! Ouais, Victor, il a eu une pyramide de cubes, là. Il aime bien ça, je sens que ça fout plein de bordel dans la maison. Ouais, hein, t'as vu ça, hein? C'est cool, il y a plein de couleurs. Donc, la lecture bienveillante, c'est juste la toute première étape de la démarche critique. C'est juste considérer que la personne en face de vous, c'est une personne intelligente, c'est une bonne personne. Mais elle a peut-être des référents très différents des vôtres. Des objectifs très différents des vôtres. Il y a un moment, j'ai envie de dire, si toi, tu as une exigence d'approche scientifique, tu vas pas aller trouver un youtubeur qui a fait une vidéo de 5 minutes dans son hamac, et puis lui dire, bah, je suis désolé, il faut que tu aies une approche scientifique. C'est clair que la personne, elle a absolument pas cherché à le faire, quoi. Il y a un moment, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, quoi. Je prends Histoire au coin d'Idée 20, c'est des youtubeurs qui me font bien rire. Tu y commences par exemple, ils commencent leur YouTube, à chaque fois ils présentent une nouvelle marque de bière. Tu dis, bah, tiens, on est en train de boire telle bière et tout. Et puis ils racontent des anecdotes en fait, leur truc, ils racontent des anecdotes rigolotes. Honnêtement, je vais prendre par exemple, un de leurs YouTube s'appelle les Mastering Particuliers, on se fend la gueule. Je pense qu'ils ont une petite prétention entre guillemets de faire du conseil de maîtrise. Parce que du coup, ils disent, ouais, voilà, on a eu tel maître de jeu, il nous a fait vivre telle aventure, c'était atroce, parce que ceci, parce que cela. Quelque part, ils font de la théorie, hein. Ils sont en train de leur expliquer, bah, de donner des conseils de maîtrise. Mais clairement, tu vois bien que ces gars, ils sont pas dans une démarche universitaire, quoi. Tu vas pas aller leur demander, ouais, mais s'il te plaît, il faut que tu cites tes sources. Sur quel article universitaire tu t'appliques pour dire que telle façon de maîtriser, c'est pas bien. Enfin, il y a un moment, il faut juste prendre du recul, quoi. Attention, franchement, là, je prends un exemple comme ça. Je suis pas allé dire, je crois pas que personne soit allé me dire ou soit allé dire à histoire au coin, aux gens de Histoire au coin du Dévin, que je rappelle me font bien marrer, que c'était des zozos et qu'ils n'avaient pas une démarche scientifique. Je pense que bon, là c'est, je prends un exemple caricatural, quoi. Mais il y a des fois, je vois par exemple. Bah pour le coup, quand Gerhard dit j'aimerais que les théoriciens aient une approche scientifique, nous ça nous permet de nous positionner. Frédéric Sintès, il a répondu, il dit bah, moi de toute façon je cherche pas à avoir une approche scientifique. Mes théories sont subjectives, je suis content parce que ça a corroboré ce que je pensais. De même que moi, ça m'a permis aussi de m'expliquer en disant moi non plus j'ai pas une démarche scientifique, je vais vous dire pourquoi. Ce qui se rapproche le plus d'une démarche scientifique en jeu de rôle, c'est finalement la démarche universitaire. On va faire un article universitaire. On va faire un article qu'on va pu, où on va faire éventuellement une maîtrise ou une thèse, quoi, hein. Je renvoie à la thèse de Coralie David, par exemple, sur le jeu de rôle. Pour le coup, je suis désolé, Coralie David, moi je pense qu'à mon avis, il est difficilement attaquable sur le fait qu'elle a une démarche scientifique. Ou alors, on commence à vraiment rentrer dans. Parce que si tu veux, je pense que le reproche de Gerhardt, c'est. Enfin, la demande de Gerhardt, c'est qu'on ait juste une approche scientifique de base. Pas, il nous demande pas d'être les Einstein du jeu de rôle. Il nous demande juste ayez un protocole scientifique. Après, tu vois, Coralie David, je sais pas quelle note sur 20 elle a eu à sa thèse. Ça se trouve, je l'ai pas lu, hein, je dois préciser. Ça se trouve peut-être que sa thèse, d'un point de vue scientifique, elle est attaquable. Peut-être que ses sources, c'est pas assez bien étayé. Peut-être, tu vois, elle a fait 80 entretiens. Moi, je crois qu'elle a fait 80 entretiens avec des game designers. Eh ben, peut-être que j'en sais rien, moi, d'un point de vue, du point de vue de sa science qu'est la littérature comparée, ou d'un point de vue statistique, peut-être que le traitement des entretiens est mauvais. Genre, alors là, j'extrapole, mais alors complètement. Mettons, j'écris une thèse sur le jeu de rôle, je fais des entretiens avec des game designers, et juste, je les cumule comme ça, et moi, je ne tirerai aucune conclusion derrière. Alors, on va me dire, je suis désolé. T'as pas fait une thèse, tu as fait une synthèse. C'est-à-dire que tu as compilé des entretiens, mais derrière toi, tu n'en tires aucune conclusion. Et du coup, tu ne fais pas une approche scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est quoi l'approche scientifique, tirer une conclusion? Ça peut être faire une synthèse, par exemple. J'ai demandé, n'importe quoi. Hein. Mettons que je fais un entretien. Je vais interroger 50 game designers sur l'immersion. Je leur pose à tous la même question. Pour vous, c'est quoi l'immersion? Eh ben, comment on pourrait m'attaquer, par exemple, si, enfin, on pourrait me demander, bah, si tu veux une approche scientifique. Après, il faut que, à partir de ces 50, à partir de ces 50, 50 témoignages, toi, tu fasses une synthèse en disant. Bon, bah, on voit dans l'entretien de machin, truc bidule, que en fait, il y a certains auteurs qui estiment qu'il y a une immersion, par exemple, dans le personnage. Mais quand on voit dans certains machins, truc bidule, il y en a qui estiment qu'il y a plutôt une immersion dans l'histoire. Et ainsi de suite. Après, tu peux comparer avec des autres sources en disant, si on regarde les théories de l'immersion en réalité virtuelle, bon, bah, on distingue des immersions dans d'autres trucs. En quoi, pourquoi les auteurs, pourquoi les game designers, et se poser la question d'ailleurs. Pourquoi les game designers ne l'appliquent pas? Est-ce que c'est un oubli de leur part? Ou est-ce que parce que les théories d'immersion en réalité virtuelle sont pas transposables en l'état dans le jeu de rôle? Tu vois? Ou on peut te demander, bah, il faut que tu fasses des analyses statistiques. En disant, bah, je sais pas, n'importe quoi, 80% des game designers se sont mis d'accord sur le fait qu'il y avait trois immersions. Immersion dans le personnage, immersion dans l'univers, immersion dans la narration, quoi. Et 20% bah, estiment qu'il y a plutôt autre chose, quoi. Bon, j'en sais rien, hein, encore une fois. Hein, bon, moi j'ai fait une prépa scientifique, effectivement, prépa bio. Après, j'ai fait école d'ingénieur, mais j'ai pas été formé à avoir une approche scientifique. Ah, j'ai pas fait de thèse, j'ai pas fait de maîtrise. J'ai quelques notions. Hein, truc de base, hein, citer ses sources, faire une synthèse. Faire des analyses statistiques, mais bon, les analyses statistiques, ça s'applique pas à tout, hein. S'il devait y avoir une science du jeu de rôle, ce serait une science molle. Et par exemple, si je prends une autre science molle qui quand même, se rapproche pas mal de la science du jeu de rôle, c'est la sociologie. En sociologie, il n'y a pas toujours des analyses statistiques, hein. Ouvrage de sociologie sur le jeu de rôle, Les Forges de la fiction d'Olivier Caïra, il fait aucune analyse statistique, hein. Et il a un panel ultra réduit, hein. Il dit, je crois, par exemple, pour étudier la dynamique sociale à l'intérieur d'une table, son panel, c'est juste sa table de jeu habituelle. Et il l'explique, hein, en disant, voilà, j'ai pas cherché à faire un truc représentatif, j'ai juste voulu pointer des spécificités, quoi. Ou me servir ma table pour illustrer des généralités. Que, dire, moi, je pense qu'il y a telle généralité dans le jeu de rôle, et par exemple, à ma table, ça s'est produit de telle façon, quoi. Tac tac tac. Ah, je sens qu'il y a un dernier truc qui est vraiment important et que je glisse dessus là. Je glisse dessus. Donc, qu'est-ce que je viens de vous dire? Ah oui, si, c'est ça, oui. C'est que, en fait, il y a un équilibre de Pareto, en fait, par rapport à l'approche scientifique. Non, il y a une loi de Pareto. C'est-à-dire la loi de Pareto. C'est un truc de méthodologie qui dit que souvent 80% du comment 20% des efforts qu'on va fournir pour vont produire 80% du résultat et 80% des efforts restants vont produire juste les 20% supplémentaires. C'est-à-dire que en fait souvent il y a un moment tu produis tu dépenses n'importe quoi, tu dépenses 100 calories pour créer un article, mais en fait, si on veut les 80% de ce qui est intéressant de ton article, Ça a été produit grâce aux 20 premières calories. Après, t'as grillé plein de calories supplémentaires juste pour que ce soit un petit peu mieux. Donc, je vous donne un exemple vraiment concret. C'est mon intervention au colloque des 40 ans du jeu de rôle sur. Donc, j'ai fait une intervention de 20 minutes pour débattre de. Le jeu de rôle est-il de l'art? Est-il le 7e art? C'était la question. Le jeu de rôle est-il le 7e art? Donc, je crois, de tête, je crois que j'ai dû passer 3 heures à préparer l'article, à préparer l'intervention. D'ailleurs, à réfléchir dans ma tête, et puis à faire un plan, et puis je crois que je l'ai dit à haute voix une fois ou deux pour être sûr que ça tienne à peu près dans les 20 minutes. En plus, j'ai pas fait de PowerPoint. J'ai arrivé sans PowerPoint, je m'en félicite. Donc, du coup, j'ai économisé le temps que j'avais à faire un PowerPoint. Donc, je suis arrivé avec des notes. Un petit peu éparse, hein, un truc en sténo quoi. Hein. Et puis j'ai fait mon speech de 20 minutes. Franchement, en 20 minutes, je suis persuadé d'avoir fait vraiment le tour du sujet. Et après, derrière, on nous a sollicité. En fait, les organisateurs du colloque nous ont dit on a un partenariat avec un éditeur de presse universitaire. J'avoue que je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est Fayard, mais je dis peut-être des bêtises. Donc on va sortir en fait un recueil avec des articles qui reprennent en fait vos interventions du colloque. D'ailleurs, chaque intervenant du colloque a été sollicité pour réécrire un article en fait un article qui répond aux critères universitaires et qui en fait reformule l'intervention. C'est-à-dire que bah, moi par exemple, du coup on m'a proposé de faire un article de je sais plus, je crois 25 000 signes. 25 000 signes sur le jeu de rôle est-il le 7e art, qui reprennent mon argumentation de l'intervention. Et bien cet article, il m'a pris un mois à écrire. Alors pourtant que je suis sûr que fondamentalement, en termes de savoir, j'ai rien apporté de plus. Mais en fait, ça m'a pris le temps d'écrire, de faire des phrases qui soient correctes. De les faire suffisamment courtes pour que ça tienne dans 25 000 signes. Parce que moi, au début, hein, quand j'écris une phrase, j'écris comme Proust. Hein, pas Gaspard Proust, l'humoriste Marcel Proust, l'auteur. hein, c'est-à-dire que c'est très très long, il y a plein de subordonnées, tout ça, machin. Et après, je vois, ah putain, on m'a demandé 25 000 signes, j'en ai fait 50 000, il faut que je taille dans le vif. Et puis à la fin, pour pouvoir tenir mes idées dans 25 000 signes, mon truc, ça ressemble à un télégraphe, quoi. Hein. Style télégraphique. voilà quoi. Et en fait, c'est très très long de passer de Proust au télégraphe. C'est-à-dire passer de 50, d'avoir un texte de 50 000 signes et de couper dedans pour arriver jusqu'à 25 000 signes et que sans perdre en fait d'informations. C'est-à-dire que c'est juste tu as la même information mais tu la formules de façon plus concise. C'est très très long. En tout cas, pour moi, c'est vachement long. Ce qui a également été très très long, c'est les références bibliographiques. Pourtant, dans l'intervention, je cite mes sources. Je cite à l'oral, tu vois, c'est plus facile, plus rapide, quoi. Tandis que quand tu cites tes sources à l'écrit, selon les critères universitaires, tu dois citer tous les auteurs, quand il y en a plusieurs. Tu dois citer le titre exact de l'intervention, tu dois citer la source. Si c'est un site internet, tu dois dire que la dernière fois que tu dois mettre le lien, tu dois dire que la dernière fois que tu l'as consulté, c'était le temps, ainsi de suite. Quand tu cites un bouquin, alors ce qui est le plus long, je crois, c'est citer les bouquins. Parce qu'en fait, il faut que tu dises le nom du bouquin, l'éditeur, que tu dois dire dans quel chapitre, je crois que tu dois dire de quel chapitre l'article est, le nom de l'article, ainsi de suite, machin, enfin. La page, puis il n'y a pas, c'est pareil, il hein, n'y a pas, enfin, on te donne une feuille de style à respecter, donc telle information, il faut la mettre en italique, telle information, il faut la mettre entre guillemets, telle information, il faut la mettre telle police, en police 10, telle information en police 12, telle information en police 8. Il y a une mise en page, du coup, que c'est toi qui dois faire, hein, c'est pas eux qui le font. C'est ultra long. Et honnêtement, franchement, à part de dire que ouais, je suis rentré dans les cases de l'article universitaire, j'ai produit peut-être le seul article universitaire de ma vie, quoi, à part peut-être les bons. J'ai fait des mémoires, des mémoires de fin de stage quand j'étais en école d'ingénieur, mais bon, j'ai fait des. Comment? J'ai fait des TIPE quand j'étais en prépa. Après, je suis pas certain que ça ait la prétention. Enfin, je pense que c'est un peu trop jeune comme travail pour être considéré comme universitaire, quoi. Et de toute façon, ça n'a pas été publié dans des revues universitaires. C'est juste des devoirs d'études, quoi. Qui restent archivés quelque part dans ma classe prépa ou pas, d'ailleurs, ils ont peut-être été détruits, hein, j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout la pertinence de. Je sais pas du tout à quel point c'est conservé, hein, les TIPE des élèves des années précédentes. Et de même que les mémoires, les maîtrises, tout ça, machin. Ça se trouve, c'est pas du tout conservé en fait. Ou alors c'est dans le bureau du prof pendant 1 an ou 2 ans, et puis quand il a besoin de faire du ménage, ça part à la jaille. Hein. Contrairement à un article universitaire qui est censé être minimum conservé à la BNF, quoi. Donc où j'en étais? Sur le jeu de rôle de 7e art, 20% de mon énergie, 3 heures de temps de travail, a produit 80% du résultat. C'est-à-dire que grosso modo, ce que j'avais à dire sur le sujet, je l'ai dit. En 3 heures de préparation et 20 minutes de discours. Et ensuite, 80% de mon travail, c'est-à-dire un mois de rédaction, comment d'aller-retour avec les organisateurs du colloque pour vérifier que je respectais la feuille de style. Ça produit 20% du résultat. Juste de dire, ouais, bon, c'est bien, t'as respecté les critères universitaires, entre guillemets, c'est un peu. T'as un philosophe, il est dans une vieille toge crasseuse, il dit des trucs vachement intéressants. Et ça lui met 20 minutes pour te dire un truc bouleversant. Et après, derrière, tu vas passer un mois à le relooker pour qu'il soit en costard, tout ça, machin, qu'il sache parler. C'est genre le discours d'un roi et qu'il arrive à faire son discours sans bégayer en étant classe et la frange bien lisse, quoi. Enfin, c'est un peu. Ouais, c'est pour le moment. Enfin, franchement, honnêtement, moi, le sentiment que j'ai eu, c'est que c'était grandement cosmétique, en fait. Alors après, je reconnais l'intérêt. C'est vrai que c'est intéressant quand une personne cite ses sources d'aller voir le lien. Puis, mais honnêtement, tu fais un vieux lien dégueulasse dans un article sur les ateliers imaginaires, ça fait le boulot aussi bien. Hein. Je vais même aller plus loin. Je vais même aller très loin. Je suis dubitatif en fait sur la portée que va avoir mon article sur le jeu de rôle et 7e art. Est-il le 7e art? Parce que ça va sortir chez Fayard et ce sera acheté et lu que par des universitaires. Ce sera pas acheté et lu. Enfin, moi, je suis pas certain qu'il y aura beaucoup de rôlistes et de game designers qui vont lire mon article. Tandis que si je l'avais mis sur Internet, déjà il sera accessible gratuit. Il sera accessible. Pas pour l'éternité, parce que l'éternité et Internet, même si c'est presque un anagramme, c'est loin d'être synonyme. Mais bon, il serait accessible à un bon moment. Puis moi, tant que ça reste sur mon disque dur, je peux encore le ressortir. Ce que j'ai prévu de faire, c'est de sortir un PDF avec tous mes articles théoriques aussi. Parce que là, le PDF a une bien meilleure durée de vie, j'explique pourquoi. Si je sors un PDF avec mes articles de théorie, les gens vont le télécharger. Et du coup, il va être sauvegardé sur plein de disques durs différents. Donc du coup, après moi, si j'ai un crash de ma base de données Internet, bon, déjà c'est difficile qu'il y ait. Eh ben c'est pas grave parce qu'il y aura Marseille. Même si en plus de ça j'ai un crash de mon disque dur, que je perds mes articles, ben, c'est pas gravissime parce qu'il y aura forcément Paulette ou Marcel qui auront toujours l'article dans un PDF sur leur disque dur, quoi. Donc on pourra toujours leur sortir, quoi. Bah, tandis que sorti chez Fayard, ça commence à être galère pour le trouver parce que le truc, au bout de 2 ans, il va être épuisé au bout d'un an, 2 ans. Il sera pas réimprimé. Je pense que Et puis voilà quoi, bon bah il y aura un exemplaire au PUF, ouais bah il y aura un exemplaire à la BNF, dans deux trois bibliothèques universitaires, ouais, bah super, bah faut les trouver quoi. Ou alors ça va être sur Amazon, à je sais pas quel prix. Bon, il y a un problème d'accessibilité. Et en fait, pour le coup, la théorie universitaire, en fait il y a énorme, enfin il y a vraiment beaucoup de travaux, moi je vous invite à aller voir sur JDR Hypothèse, notamment. Mais il y a beaucoup de travaux, que ce soit en portée ou en nombre de pages, il y a beaucoup de travaux universitaires sur le jeu de rôle. Et pour moi, ça rentre complètement dans le champ de la jeu de rôlologie. Le jeu de rôle, c'est un truc, c'est à la fois un jeu, un phénomène sociologique, un cross-média. C'est logique qu'il y ait, comment, un truc psychologique, c'est un truc artistique. C'est logique qu'il y ait énormément de recherches interdisciplinaires sur le jeu de rôle. Et que du coup, la jeu de rôlologie, ça soit pas un truc, une discipline en elle-même, mais un truc interdisciplinaire qui va en fait être balkanisé dans tout un tas de disciplines différentes, quoi. Il y aura des études de socio sur le jeu de rôle, de psycho sur le jeu de rôle. Pour le coup, j'ai envie de dire que ce que nous on fait sur les ateliers imaginaires, sur Google+, sur Tarte aux fraises, sur la cellule, eh ben c'est quoi? C'est en général, je dis bien en général, hein, parce qu'il y a des cas particuliers. En général, c'est du game design appliqué au jeu de rôle. En fait, du coup, ça encore, c'est pareil. En fait, on s'inscrit dans la discipline du game design. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une discipline, sinon scientifique, mais c'est une discipline, quoi. Un savoir, quoi. C'est un savoir. On s'inscrit dans le savoir du game design et on l'applique au jeu de rôle, quoi. On fait jamais que ça, quoi. Moi, je récuse l'idée qu'il y ait une discipline jeu de rôlologie en elle-même, quoi. Ça me paraît impossible. J'ai presque envie, et pour tout dire, j'ai presque envie de dire, j'ai presque, d'un point de vue scientifique en général, j'ai presque envie de récuser l'idée de discipline. C'est-à-dire que tout est interdisciplinaire, quoi. La sociologie, c'est quoi? C'est un ensemble de Comment on va dire que la sociologie, par exemple, c'est un ensemble de c'est un croisement des disciplines de la statistique, éthologie, psychologie, voilà, c'est un croisement de tout ça, quoi. Philosophie aussi un peu. Philosophie, géographie, voilà, c'est un croisement de toutes ces sciences, quoi. Donc chaque science est une cross-science, entre guillemets, quoi. Toute discipline est une interdiscipline, en quelque sorte. Les disciplines n'existent pas, quoi. Pour le coup, appeler à ce que la jeu de rôlologie soit une discipline en elle-même, ça me paraît vain. Enfin, disons que moi, j'ai du mal à en voir l'intérêt, parce que de toute façon, forcément, après, une fois que tu auras dit ça, tu continueras à refaire de l'interdisciplinaire, quoi. Si je parle d'immersion, je parle de psychologie. Si je parle de roleplay, bah, je vais parler de théâtre. Si je parle d'intrigue, je vais parler de narratologie. Enfin, il y a un moment, je suis en permanence en train de faire des chassés-croisés avec d'autres disciplines, quoi. Donc ça, c'était vraiment ça, en fait, l'équipe de Pareto. C'est-à-dire qu'il y a un moment, moi, notamment, si j'abandonne l'idée d'avoir une démarche scientifique, c'est tout simplement pour le temps que ça prend par rapport aux bénéfices que je peux en retirer. Je trouve que c'est disproportionné, tout simplement, quoi. Ensuite, quoi? Quoi dire, quoi rajouter là-dessus? Je pense que c'est pas mal. J'ai encore l'impression de tourner autour d'un truc fondamental, mais je vois pas c'est quoi. Ouais, non, j'ai dit, c'est ça, j'ai dit que l'approche scientifique, c'était une perte de temps. Voilà, vu de ma fenêtre, toujours, quoi. Le truc qu'il faut retenir, c'est que. Ah oui, si, je crois que je l'ai pas dit, mais. Critiquer. Ne fais pas des critiques générales. Enfin, critiquer. Alors, c'est pareil. Moi, je peux fournir des demandes, mais c'est plutôt une déontologie pour moi, en fait. C'est-à-dire que moi, si je dois faire de la critique, comment je veux la faire? C'est je veux éviter de faire des généralités. Et ça veut dire que oui, je vais critiquer des articles en particulier. Pas des personnes, des articles, des communications. Je veux dire, bah, dans ta communication, tu as dit ça comme ça. Moi, j'ai besoin que tu développes, j'ai besoin que tu précises. Je suis en désaccord, ceci, cela. Voilà, je trouve que là, c'est incohérent, ainsi de suite, quoi. Voilà. En tant que critique, il faut aussi préciser d'où on vient. C'est l'effort qu'avait fait Steve Zakubovitch dans sa critique du jeu de rôle Dragon Age, où il dit, bon, bah, Dragon Age s'inscrit quand même. Le jeu de rôle Dragon Age s'inscrit dans la tradition. On va dire des jeux de rôle type Donjons et Dragons, quoi. Plutôt Donjons et Dragons 3.5 d'ailleurs, quoi. Et en l'occurrence, je me suis intéressé au jeu, alors que clairement, en général, mon intérêt ludique va plutôt aux jeux à système léger, qui mettent un accent fort sur la narration. Bon, enfin, il se dit comme narrativiste, machin. Ou dire d'où il vient, c'est pas mal, quoi. Hein. Il y a un moment juste aussi des fois effectivement la première chose à se dire c'est plutôt que ouais qu oh, ouais c'est ça j'avais une phrase qui était pas mal c'est on dit souvent que la critique est facile l'art est difficile dans ces cas-là si vous faites de la critique ayez l'élégance ayons l'élégance de faire de la critique un art c'est-à-dire que si tu fais de ta critique un art eh bien, elle sera valide, elle sera. Voilà, c'est-à-dire que ça me paraît difficile de venir reprocher à une personne un manque de méthode, de rigueur, si derrière toi, dans ta façon de la critiquer, tu n'as aucune rigueur. Et ça veut dire effectivement, ça veut dire prendre des postures qui sont douloureuses, comme par exemple citer les personnes, citer les articles plutôt que de faire des accusations générales. Ça veut dire étayer son propos plutôt que de faire, que de dire, qu'on de faire un commentaire en une ligne sur le blog. Ça veut dire permettre un droit de réponse à la personne, quoi. Ainsi de suite, quoi. Ça veut dire faire ses propres théories, ça veut dire faire des billets-réponses. Par exemple, que j'avais bien aimé, j'ai vu sur, je retrouverai sur YouTube, j'ai écouté un petit YouTube de 7 minutes, c'est un gars qui a écouté. Il a écouté une vidéo de Rollist TV sur l'improvisation. Et il a fait en fait une vidéo retour. Il a dit bah j'ai écouté la vidéo, moi j'aime beaucoup ce que font Rollist TV. Bon déjà au moins il prend bon. Vous allez dire, c'est quoi? Il passe la brosse à relire au gars. Non, mais au moins, il prend la précaution de préciser qu'il respecte les personnes. Mais après, il dit, je suis en désaccord avec ce que vous dites sur l'improvisation. Et ce qu'il reprochait notamment à la vidéo de Rollist TV, c'est que en fait, les gens de Rollist TV sur la vidéo ont l'air de dire, bah en fait, l'improvisation au jeu de rôle, c'est casse-gueule, il faut éviter, il vaut mieux que vous prépariez, quoi. Du coup, ils leur reprochent à la fois de passer à côté de leur sujet, puisque finalement, ils font une vidéo qui parle de préparation, alors que le titre de la vidéo, c'est Conseil sur l'improvisation. Et l'autre reproche qu'il leur fait, en fait, je dis, il fait l'apologie de l'improvisation, en fait. Il en profite pour dire, bah non, moi j'aime bien improviser, voici comment je fais, voici pourquoi je le fais, quoi. Et ben ça, je trouve que c'est une forme d'en plus. Le gars le fait de façon sympathique, bienveillante, tout ça. Et constructive, voilà, c'est une critique constructive. Ben, ça, c'est tout simplement. Faites des critiques constructives, bordel. Et ben le gars, il fait ça bien. Bon, voilà, après, bon, son YouTube, il fait 7 minutes. Je vais pas lui demander de révolutionner les notions qu'on a au sujet de l'improvisation. Je pense même pas que ce soit son objectif à ce moment-là, quoi. Mais d'ailleurs, il se permet de citer des sources parce qu'il renvoie à d'autres vidéos qu'il fait sur l'improvisation. Hein, donc, il a quand même le début d'une démarche étayée, quoi. Hein. Voilà, alors c'est la fête, j'ai oublié de mettre le détachant, de mettre le désinfectant. Alors je les rajoute en cours de route, j'espère que... Voilà, je sens que c'est le truc à pas faire. Catastrophe. Bon, voilà, ma machine à laver a peut-être explosé en direct, hein. Bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu de la vie. Hop. Oula, en plus il y a Victor qui réclame des trucs. Bon, je pense que je vais arrêter de parler du sujet parce que j'ai rien de plus intelligent à dire. Bon, je sais pas si j'ai dit beaucoup de choses intelligentes. Je dois reconnaître que pour le coup, j'ai enregistré ce podcast un peu sous le coup de la passion. Pour autant, je pense qu'il fallait que ça sorte. J'espère quand même avoir apporté des choses sur la notion de critique, bah, pour le coup bienveillante. Alors bon, la communication non violente dit qu'il faut carrément éviter la critique. Oui, c'est que j'appelle ça de la critique, mais finalement c'est autre chose que de la critique. C'est demander des informations supplémentaires, faire reformuler, demander des sources, proposer des contre-sources, proposer, construire avec, c'est-à-dire et construire la théorie avec la personne, s'en emparer, se l'approprier. Ça veut dire co-construire. Ah oui, c'est vrai que j'oubliais, c'est sur le jargon. Ce qu'on nous reprochait de jargonner, bon ouais, au fond là c'est pas très important. Le jargon des fois il est utile. Le jargon ça résume une pensée quoi. Et puis si tu veux, le truc c'est que si à chaque fois je dois exprimer les choses par des périphrases parce que je veux pas employer un jargon, ça devient lourd comme prose quoi. Il y a un moment, c'est bien de poser des termes pour désigner quelque chose, et après on les reprend, c'est plus rapide, quoi. Je prends l'exemple du bleed. Le bleed ou saignement, c'est un terme technique d'Émilie Carbos, qui a été retraduit en français sous le terme de pervasivité. Alors là, pour le coup, on jargonne à donf. Ouais, c'est du jargon, on est d'accord. Ça désigne quoi? Ça désigne. Alors tu vois, j'ai dû vachement réfléchir pour trouver une périphrase élégante. C'est quand les émotions de la joueuse et du personnage correspondent. Bah, il y a un moment, si c'est une notion que j'ai besoin de manipuler beaucoup dans un article, ça m'est difficile de toujours employer la périphrase. Même là, j'essaie de trouver un truc court et élégant et qui trahisse pas trop la notion de bleed qui, elle, est développée quand même dans le dictionnaire JIPFORM et est développée en X lignes, quoi, avec des exemples, tout ça, quoi. L'intérêt du jargon, c'est qu'il permet d'invoquer en fait tout un développement derrière, quoi. L'autre intérêt, en fait, c'est que, parce qu'en plus, Idohain Fine, par exemple, il appelle à la création de sorte de théorie commune, une théorie unifiée, quoi. Tout comme Jérôme Larrey appelle à la création d'une grammaire du jeu de rôle. Bah, je suis désolé, il y a un moment, si on se refuse d'utiliser le jargon qui a été fait par nos prédécesseurs, prédécessrices, on n'arrivera jamais à un truc unifié, quoi. Donc ça veut dire quoi? Bon, on peut utiliser, du coup, on peut utiliser les termes copyright 74, et encore, parce que genre roleplay, immersion, qui sont des termes très intéressants, hein, j'en conviens. Moi, je fais pas partie de ceux qui refusent à les utiliser. Frédéric Sintès, par exemple, refuse d'utiliser immersion et roleplay pour une raison précise, c'est parce qu'ils sont polysémiques. En fait, ils veulent dire plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de roleplayer, il y a plusieurs types d'immersion. Je suis tout à fait d'accord. C'est effectivement des termes polysémiques. Ce à quoi je vais ajouter, la totalité du mot du dictionnaire ont plusieurs sens. Hein. Donc oui, ok, mais voiture, ça a plusieurs sens aussi. Hein. Il n'y a pas de consensus sur ce qu'est une voiture, quoi. Il y a un moment, dès que tu emploies un mot, tu prends le risque qu'effectivement ça soit compris de travers ou que toi tu l'emploies à mauvais escient. Hein. C'est comme ça, hein, c'est le drame. C'est le drame du langage humain, hein, c'est la tour de Babel, hein, qui puis-je. Mais il y a un moment, on est obligé de se mettre d'accord, enfin on est obligé. C'est bien de se mettre d'accord sur des termes si effectivement on veut espérer avoir un dialogue, un langage commun, quoi. au cinéma, il y a un moment, on s'est mis d'accord pour dire qu'un mouvement de caméra, ça s'appelait un travelling, quoi. Et qu'il y avait travelling arrière, travelling avant, machin, et que c'est plongée, contre-plongée, ça désignait certaines choses, quoi. Maintenant, quand tu fais la théorie cinéma, tu vas pas te faire chier à chaque fois à périphraser en disant. Et là, le mouvement de la caméra, machin, je dis travelling, point barre, quoi. Bon, après, peut-être que le cinéma bénéficie d'une popularité qui lui permet, parce qu'en fait, travelling, même des trucs un peu plus précis comme Nuit américaine, Synopsis, même le grand public connaît, parce qu'on est quand même baigné dans la culture du cinéma, quoi. On a des notions, hein. Bon, encore que, par exemple, le terme Nuit américaine, moi, j'ai attendu le collège pour le savoir, parce qu'on a eu. On a eu un cours de quelques, on a eu quelques heures de cours sur le cinéma. Et du coup, on nous a donné quelques termes de cinéma. Donc, bon, bah, si vous n'avez pas fait le collège, ou si à l'époque vous avez fait le collège, comment vous n'aviez pas eu ces notions de cinéma, ou tout simplement si au moment où vous avez fait les cours sur le cinéma, vous n'en avez rien à carrer, vous étiez plutôt en train de draguer la personne à côté de vous. Bon, bah, effectivement, possible que ces notions vous ont échappé, mais il y a quand même plus un langage commun. En jeu de rôle, bah forcément, on est sur un truc de niche. Donc du coup, le langage commun, il est de niche, quoi. Où est-ce que je voulais en dire? Mais c'est vrai qu'il y a un moment, il faut appeler un chat, quoi. Il y a des fois, le jargon, il s'impose de lui-même, quoi. Je pense que la défiance de Gerhardt, c'est sur l'idée de créer de nouveaux jargons. C'est-à-dire que, ok, peut-être qu'on ferait bien de réutiliser juste l'existant et d'arrêter d'en créer. Ça se défend, hein, ça se défend. Hein. Moi, j'avais des critiques, par exemple, par rapport au terme de synesthésie de Frédéric Sintès, qui, bon, est-ce qu'on pouvait pas dire des choses plus simplement en disant que c'est l'identification au personnage ou tout simplement que finalement la synesthésie, c'est une forme de bleed, hein, en quelque sorte, quoi, hein, que c'est un mécanisme qui encourage le bleed. Bon après, voilà, des fois, il faut pas confondre les causes et les effets. L'avantage de jargoniser, c'est aussi de permettre de distinguer les causes des effets, quoi. Le bleed, c'est un effet. La synesthésie, c'est une cause, quoi. C'est-à-dire, c'est la façon dont tu designes une mécanique pour qu'elle provoque une identification avec le personnage, quoi. Par exemple, là, je jette une brouette de dés, ça me donne l'impression que mon personnage est puissant, quoi. Et du coup, l'émotion de puissance, enfin, je vais la ressentir comme le personnage, quoi. Je vous renvoie à mon podcast, ce qu'on ressent quand on lance les dés. J'ai fait un sujet sur le jargon, je crois que j'avais déjà dans Métathéorie, j'en ai déjà parlé. Voilà, bon, le jargon, oui, est-ce qu'il en faut, est-ce qu'il en faut pas Le jargon, ça va, du moment que. En fait, j'ai presque envie de dire. Si tu changes de plateforme, par exemple, si d'habitude tu fais des articles sur ton blog et tu vas sur un podcast, tu sais que potentiellement tu t'adresses à un public différent. Il faut que si tu réemploies ton jargon, il faut que tu le redéfinisses à nouveau, au moins une fois. Et si tu changes à nouveau de podcast, tu passes sur un autre podcast, il faut que tu. En fait, à chaque fois que tu changes de plateforme, j'ai envie de dire. C'est bien de redéfinir ton jargon si tu as besoin de le réemployer. Et de temps en temps, c'est bien de te donner comme contrainte de te passer du jargon. Et puis, on peut aussi concevoir un jargon qui soit transparent. C'est-à-dire qu'on va employer des termes courants pour remplacer un jargon. Hein, comme moi, j'ai essayé d'employer jeu de rôle, esthétique, morale, tactique, sociale pour remplacer le jargon GNS, hein, ludiste, simulationniste, narrativiste. Mais j'ai employé des termes qui avaient une compréhension plus consensuelle, quoi. Et dont, en fait, l'idée, en plus, l'intérêt, c'est que quand vous faites ça, l'explication, elle est embarquée dans le terme. Si je dis, ben, on fait du jeu de rôle esthétique, ben, j'ai pas besoin d'expliquer ce que ça veut dire. Enfin, je peux le faire, on a fait un podcast de 2 heures qui explique c'est quoi. Mais je peux aussi m'en passer. Je trouve que ça tombe un peu sous le sens. Alors, l'autre chose là, qui me paraît importante aussi. Le problème du jargon, pour le coup, ce que je veux quand même en dire un, c'est que ça, y a une forme de verticalité. Voilà, ça y est, je suis jargonneux. C'est-à-dire que du coup, ça donne une autorité à la personne qui crée le jargon, qui peut être embêtante plus tard. Exemple, le meilleur exemple que je puisse donner, c'est le vide-fertile. En francophonie, si on veut, le dépositaire du vide-fertile, c'est Frédéric Saintès. On est d'accord que c'est la continuation d'une étude théorique qui date de Ron Edwards, hein, donc il y a X personnes qui ont étudié le vide fertile. Mais bon, en francophonie, le vide fertile, c'est Frédéric Saintès, c'est le premier qui a fait un article dessus. Et ben le problème, c'est que c'est difficile après pour un autre théoricien de décrire un phénomène de vide fertile sans avoir eu au préalable l'aval de Frédéric Saintès qui lui a dit oui, effectivement, tu dis que dans tes jeux il y a du vide fertile, oui, c'est vrai. Je suis pas en train, attention, hein, je suis pas en train de dire que Frédéric Saintès a mis des gros panneaux. Si vous voulez parler du vide fertile, faut me demander la permission et il faut que je valide ce que vous avez dit. Mais de facto, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que. Et du coup, on se retrouve. Quand tu vas utiliser le jargon d'une autre personne, tu vas le faire avec des bonnes intentions en disant bah, on va essayer de créer un vocabulaire commun, je vais essayer de co-construire sur la théorie de la personne. Mais de l'autre, après, tu peux te retrouver accusé. On peut penser que tu vas galvauder les termes qui ont été inventés par la personne. Dire bah, moi, j'ai inventé un jargon pour désigner tel phénomène. Et toi, en fait, tu réutilises mon jargon, mais tu parles d'autre chose. Tu as mal compris mon phénomène, tu as mal compris la façon dont je voyais les choses. Alors bon, de toute façon, je veux dire, tragédie du langage, de la communication humaine, on n'est pas télépathe. Je veux dire les choses, c'est presque du mystérianisme, hein, ce que je suis en train de dire. Hein. C'est que le fond de la pensée de la personne en face de toi, il t'est définitivement inaccessible. C'est comme ça, tu pourras jamais comprendre à 100%, surtout si on est vraiment dans des choses des sciences molles, à la rigueur, et presque la seule chose qui échappe à ça, c'est les mathématiques. C'est presque la seule chose où je vois que effectivement, en langage mathématique, on peut se faire comprendre de façon objective. J'ai presque envie de dire que c'est le seul langage objectif qui existe. Parce qu'il a été conçu pour ça, quelque part. Il a été conçu pour être un langage d'objet, quoi. Mais dans les autres langages, tu ne peux pas comprendre la personne, quoi. C'est impossible, sans parler du fait que t'es jamais garanti que la personne, quand elle fait une réflexion sur le jeu de rôle, se comprend elle-même, quoi. Il y a des fois, on est flou avec soi-même, hein. Et quand bien même, on aurait une approche soi-disant scientifique, hein. Donc voilà, c'est ça le problème, c'est quand une personne crée un jargon, si tu le reprends à ton compte, tu prends le risque de te faire accuser de galvaudage. Et donc du coup, soit tu le fais, et donc après on a des problèmes, c'est que du coup on a des théories qui volent en éclats. Je prends l'exemple du narrativisme en fait, c'est-à-dire que le mot narrativisme a été réemployé par tout un tas de continuateurs qui l'ont utilisé pour désigner des choses différentes. Et du coup, le mot a été vidé de son sens. Donc l'avantage de partir de choses qui sont pas du jargon mais des mots courants, c'est que de toute façon les mots courants tu peux pas les galvauder ou alors pour le coup ils ont été galvaudés depuis longtemps quoi. Et l'autre truc aussi c'est que quand tu utilises des mots courants pour faire du jargon, c'est une façon de créer un jargon d'accepter en fait que ce que tu décris va être vu d'une façon différente. Par chaque personne. C'est comme ça que j'ai pensé les atomes du jeu de rôle esthétique, morale, sociale et tactique. D'ailleurs, si tu veux, là où je regrette, c'est d'avoir utilisé le terme d'atome. On aurait peut-être dû employer le terme de forme ou de façon de jouer, quoi. Ouais, de type de jeu, ouais, de type de jeu, quoi. Il y a quatre types de jeux. 20 ans type, c'est chiant. Je voulais vraiment montrer que c'était une composante, quoi. Ouais, des composantes de jeu, c'était pas mal. Composante, c'était mieux qu'atome. Parce que atome, ça donne une idée physicaliste, dans le sens où Bah, un atome d'hydrogène, c'est un atome d'hydrogène pour tout le monde, quoi. Tu peux pas, y a Marcel peut pas dire, bah non, moi je vois un atome d'oxygène. Paul, il peut pas dire, bah non, moi je vois un atome d'hélium. Louise, elle peut pas dire, oh, bah non, moi je vois plutôt un atome de, je sais pas, de carbone, quoi. Un atome d'hydrogène, c'est un atome d'hydrogène, point, quoi. Tandis qu'un atome social, en jeu de rôle, c'est un atome social pour Marcel, ça peut être un atome moral pour Paul, ça peut être un atome tactique pour Juliette, quoi. C'est, on tient compte que c'est subjectif. L'exemple que je donnais, c'était le player, comment le jeu en oublie, le jeu sans équilibrage dans les, dans le quand tu joues à, dans façon old school quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tes monstres sont pas équilibrés, tu peux te taper, tu peux te retrouver face à des monstres beaucoup plus forts que ton perso et te faire tuer ton perso au bout d'une heure quoi. Et en fait, y a là-dedans, on peut voir en fait une façon de jouer tactique. Dans le sens où il va falloir que tu sois malin pour éviter en fait de tomber dans des endroits qui sont peuplés par des monstres trop balèzes pour toi. Parce que tu peux pas compter sur le maître de jeu qui aurait équilibré les rencontres et qui aurait forcément mis des rencontres à ta mesure, quoi. Donc c'est à toi d'être malin pour éviter les mauvaises rencontres, tout simplement, quoi. Donc du coup, on peut voir ça comme du jeu tactique. Et en fait, Zach Smith, il avait fait un article, il faudrait que je le retrouve, ça va être compliqué. Il avait fait un article qui m'avait touché en fait, où lui il voit une dimension morale. Il dit pas le terme moral, hein, mais il dit ouais en fait cette façon de jouer ça reflète la vraie vie ou comment la vraie vie. J'ai parlé de théorie du monde injuste dans un podcast où en fait tout peut arriver. C'est pas juste quoi. Et puis on sait pas quand ça va arriver, on peut pas prévoir. Et en fait, et là où ça va loin, c'est qu'en fait il se met à parler de son, je crois sa compagne qui s'appelle Mandy. Où il dit en fait que je crois que Mandy a une maladie chronique incurable. Et en fait, il dit on sait jamais à quel moment la maladie va frapper à nouveau, quel organe de Mandy va mourir en premier. Ainsi de suite, et en fait, quand il joue quand il fait du jeu old school sans équilibre, et ben ça lui rappelle ça en fait, le côté épée de Damoclès, et puis le côté que tu peux pas contrôler la fatalité du truc, quoi. Et puis le fait que c'est imprévisible et que c'est foncièrement injuste et que c'est comme ça que la vie fonctionne, quoi. Voilà, et je trouve que c'est l'intérêt d'utiliser les termes du langage courant, c'est que du coup ils sont en subjectivité embarquée, et que ça permet en fait d'aller sur une nouvelle forme sur une forme de théorie où tu designes des. Tu... Bon, j'ai expliqué hein, déjà à quel point je trouvais difficile de faire une théorie qui soit objective, donc elle est forcément subjective, mais plus qu'une théorie subjective basée sur un système de valeurs, c'est encore mieux si tu fonctionnes sur un système de valeurs dont les valeurs sont elles-mêmes des objets multifacettes qui peuvent être analysés de façon différente selon la subjectivité de chacun. Et ça, c'est compliqué de le faire avec un jargon. Parce que les jargons, forcément, on a envie qu'ils aient une signification unique. Et d'ailleurs, souvent, ils sont créés pour ça. Quand tu crées un néologisme, c'est parce que tu veux créer un mot qui a un seul sens. Voilà, là, je pense que j'ai vraiment fait le tour. Juste pour info, hein, je sais que j'ai pu montrer un peu de passion, même si j'ai essayé d'employer le langage non violent, j'ai quand même pu montrer un peu de passion dans ce forum. Mais il était très intéressant, ça a levé beaucoup de lièvres. Même si quelque part, j'ai fait acte de critique, parce que finalement, à tout ce podcast, il revient à critiquer finalement la posture de Gerhardt en disant que son approche de la théorie, bah, moi je la trouvais. J'étais en désaccord avec son approche de théorie, tout simplement, quoi. Ou en tout cas, je suis en accord avec ses intentions. C'est-à-dire que si lui, il veut avoir lui-même une approche scientifique du jeu de rôle, bah, c'est très bien. Mais c'était une idée de suggérer une marche à suivre. Et puis plus exactement, et ça c'est encore plus vertueux, et je pense que c'est encore la meilleure façon de critiquer, c'est que c'est l'exemplarité. C'est-à-dire que plutôt que de critiquer la façon dont se comportent les autres, il faut être soi-même exemplaire dans la façon dont on se comporte. Donc, par exemple, effectivement, plutôt que de. Et je pense que Gérard voulait en arriver là, finalement. Plutôt que de dire, critiquer ses petits camarades en disant qu'ils sont pas scientifiques, il faut soi-même se comporter de façon scientifique. Plutôt que de critiquer ses camarades parce qu'ils sont malveillants, eh bien, il faut être exemplaire en étant soi-même bienveillant, et ainsi de suite, quoi. Plutôt que de critiquer le comportement violent des autres, il faut être exemplaire en étant soi-même non violent. Voilà, bon, je pense que vous avez compris l'idée de l'exemplarité, quoi. Et c'est encore la meilleure forme de critique. Enfin, la meilleure forme. Ah, stop, il ne faut pas comparer les choses. Mais c'est une forme qui est très intéressante de critique. C'est l'exemplarité. Sur ce, je pense que je vous ai sorti un bon gros pavas chargé d'humeur et de passion. Ouais, il est temps de faire une petite pause et de digérer tout ça autour d'un bon Pathfinder des familles. Alors voilà, je vous dis à la prochaine.